Stephen King aime In the Mood de Glenn Miller. Stephen King aime l'histoire de l'Amérique. Stephen King a écrit 22, 11, 63 et Bridget Carpenter l'a adapté. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au Vidéo Club de Castle Rock. Bonjour Chris. Bonjour. Comment vas-tu ? Bien. Quoi de neuf depuis la dernière fois ? Là, ça fait vraiment un mois qu'on n'a pas enregistré. Donc. écoute, pas grand-chose, si ce n'est que vivement la semaine prochaine pour la mine en Irlande. Ouais, c'est la grosse anticipation. Alors du coup, quand l'épisode sortira, elle viendra de passer. Oui. On sera revenu. Depuis quelques jours. Et il y a presque une connexion à King parce qu'un des films est a priori en partie une inspiration plagiat de Christine et de Transformers. Et de plein de choses. Visiblement, c'est Ivrace. Très bien, donc avant de continuer, petit point chapeau, puisque nous avons décidé d'ajouter, on se demandait un peu comment on les traitait, deux choses dedans. D'abord, la première saison de la série Monsieur Mercedes qui correspond au roman Monsieur Mercedes, et on a décidé au final de le faire saison par saison, puisque chacune des trois saisons adapte un des trois romans de la trilogie Bill Hodge. Voilà, et si on aurait tiré par exemple Carnet Noir en premier, alors que ça représente du coup la troisième saison et qu'en bouquin c'est le deuxième, ouais. Bah, ça aurait été plutôt perturbant en fait de commencer une série par la saison 2, quoi. Donc là, on a mis que la première saison qui correspond à Monsieur Mercedes. Et une fois qu'on l'aura tiré, on rajoutera la deuxième saison qui correspond à Fin de Ronde, donc au troisième tome en réalité, mais qui doit mélanger les éléments, en gros, des tomes 2 et 3. Je ne sais pas trop comment ils ont fait, mais on verra bien. Et nous avons ajouté aussi L'Outsider, parce que la série, en roman, ça a beau être une suite techniquement de la trilogie Bill Hodge, puisqu'on revoit Holly Gibney. En série, c'est totalement indépendant et c'est pas la même actrice qui joue Holly d'ailleurs. Et c'est même pas la même chaîne qui la diffuse aux États-Unis. Monsieur Mercedes, c'était AMC alors que L'Outsider, c'est HBO. Ouais, il y a vraiment pas de lien entre les deux. Voilà. Et a priori, il y aura pas de suite à L'Outsider, quand bien même il y a des nouveaux romans avec Holly qui sont sortis depuis. Oui, c'était annoncé dès le début pour être une mini-série et puis c'est tout. Ouais, mais je crois que Monsieur Mercedes à l'origine aussi. Mais par contre, il me semble que Holly. Les droits ont déjà été à donc, le troisième roman, enfin la troisième aventure, parce que la deuxième aventure c'est une nouvelle de 6 à 5. Mais il me semble que les droits de Holly, donc le dernier roman de King, qui met en scène le personnage central de L'Outsider, a déjà été acheté par HBO. Donc, oui, possiblement. Voilà. Alors est-ce qu'ils vont reprendre la même actrice qui jouait déjà Holly dans L'Outsider ? Oh, ça m'étonnerait que ce ne soit pas le cas. L'Outsider avait quand même fait pas mal parler d'elle comme série. Oui, quand c'était sorti. A priori, elle était très bien. Moi, j'ai pas vu la série, donc je sais pas. Oui, voilà, pareil, mais ça avait eu de très bons retours. Donc, Et c'est un bon roman. C'est une belle histoire. Ouais, c'est ça. Faut pas tendre des perches comme ça, ils savent. Non, et voilà, c'est donc on a rajouté ces deux-là, on en avait déjà ajouté 4 la fois dernière, donc ça fait pas mal de nouveautés quand même, oui. en peu de temps. Et il y en a encore qui sortent, on a un Salem qui sort en fin d'année. Un cimetière. Et un cimetière, ouais, et la série d'Eri aussi. Le mois prochain, cimetière. Prochaine. Ouais, voilà, hein, faut qu'on travaille. Il y a toujours un remake de Christine qui est prévu, je crois. Le remake de Christine, bah on sait toujours pas où ça en est, mais techniquement, il y a quand même toujours la petite fille qui aimait Tom Gordon qui est en développement. Chantier aussi. Pour le coup, que j'ai vraiment très envie de voir, quand même, la petite fille qui aimait Tom Gordon. J'espère qu'il va aboutir. Et il y en a qui parlaient des régulateurs, apparemment, avec James Wan à la prod. D'accord. Donc ça, je serais assez curieux de voir. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de 22-11-63. Un long roman de King, le quatrième en fait en termes de longueur, je crois, si on prend pas en compte la Tour Sombre. Ah ouais ? Ouais. Ouais, derrière ça, le Fléau et Dôme. Et les Tommy Knockers? Les Tommy Knockers est plus petit. Non, il est plus court, les Tommy Knockers. D'accord, il est même pas mal. Plus court. Ok. Ouais. Donc, un roman qui tourne autour notamment de l'assassinat de Kennedy par Lee Harvey Oswald. L'adaptation en série avec James Franco est sortie il y a quelques années et elle est en une seule saison. Oui, de 8 épisodes. Voilà, de 8 épisodes. Nous allons spoiler la série comme le roman. Il y a quand même des différences assez importantes entre les deux, pour le coup. Donc voilà, on peut. C'est pas parce que vous en connaissez un que l'autre, vous n'aurez pas de surprise. Et je propose qu'on y aille maintenant, avec exceptionnellement un petit point historique pour reconceptualiser quelque chose qui est quand même très américain. Oui, clairement. Voilà. On y va ? On y va. Le point histoire. Je peux le faire avec une mauvaise imitation de Stéphane Bern tout long, hein, si tu veux vraiment que ce soit l'enfer. Donc... on va déjà commencer par Kennedy lui-même. Donc Kennedy, il est élu président en 1960 et il entre en fonction début 61, le 20 janvier. Il gagne la première des démocrates face à Johnson, Lyndon B. Johnson, qui sera son colistier et qui lui succédera une fois que Kennedy se fera tuer. Et il gagne l'élection face au républicain Nixon, qui lui succédera à Johnson. Son programme prônait l'égalité raciale, la lutte contre la pauvreté, la baisse des tensions avec la Russie, la conquête spatiale, la fin de la course à l'armement et la poursuite de la lutte contre le communisme. C'était la mode à l'époque. Le point le plus sujet à débat, en fait, à l'époque, c'était d'une part ce qui concernait la course à l'armement, mais surtout l'égalité raciale. Parce que on est encore dans une Amérique où la discrimination est très présente. Tout ce qui est, par exemple, les lois autour du droit des Afro-Américains à s'asseoir dans les bus aux mêmes places que les Occidentaux, c'est des lois qui sont qui ont été abolies assez récemment autour de Rosa Parks, c'est au cours des années 50. Oui, c'est vrai que c'est pas si. Donc il y a des grosses tensions en fait à l'époque. Est-ce qu'il respecte son programme? Ça dépend des points, parce que l'armement des États-Unis, lui, il va continuer à mort. Hein. Monsieur Kennedy, ça va pas se calmer, il va même autoriser l'utilisation d'armes assez crades au Vietnam. Oui. Mais il va signer des traités de paix pour limiter les essais nucléaires. Alors après, est-ce que c'est sincère ou est-ce que c'est juste la crise des missiles de Cuba sur laquelle on reviendra qui l'a convaincu? Un peu compliqué en fait, il est très paradoxal son programme à ce niveau-là. Je dis ça, je suis pas historien, j'ai vu la fiche Wikipédia. En fait voilà, c'est ça, c'est vrai que c'est paradoxal, après c'est aussi du coup une politique qui est quand même assez loin de nous, c'est difficile de juger, enfin loin de nous, que ça soit géographiquement ou temporellement parlant, c'est voilà, par moments c'est assez compliqué à juger, mais... J'ai quand même le sentiment qu'il y a des moments où il a pas porté ses couilles autant qu'il aurait pu. Voilà. Pour le coup, la conquête spatiale, il va effectivement lancer des projets. C'est lui qui lance le programme lunaire qui aboutira au film de Stanley Kubrick sur l'alunissage en 68, évidemment, le fameux faux alunissage. Hein. Je l'ai vu dans Shining. Il signe des lois, entre autres, sur le salaire minimum. C'est un peu son plus gros truc, hein, j'ai l'impression, sur la pauvreté. Oui. Mais c'est déjà ça, c'est bien le salaire minimum. Oui, quand même, oui, effectivement. Et pour le coup, effectivement, il va faire des trucs pour calmer les tensions raciales. Il va rencontrer, par exemple, aussi Martin Luther King en août 63, donc pas longtemps avant qu'il se fasse tuer. Voilà, donc c'est 56, hein, les lois ségrégationnistes dans les bus qu'elles sont abolies. Donc vraiment, c'est récent. Sa présidence va être marquée, ça en parle dans le livre, par deux incidents avec Cuba. Donc le premier, c'est en avril 61, entre le 16 et le 18, l'incident de la baie des cochons. En gros, il avait tenté d'envoyer une surveillance sur la population cubaine pour la convaincre de rejoindre le côté américain en utilisant des anciens expatriés cubains qui avaient fui le gouvernement cubain. Et donc il voulait les envoyer un peu comme espions dormants. Sauf que ça va être cramé direct. C'était un plan avec la CIA et Kennedy va payer une fortune la libération des prisonniers. Et ça va être la raison de tensions déjà entre Kennedy et la CIA, qui reviendront dans pas mal de théories du complot, et la création en février 62 d'un embargo économique sur Cuba. L'autre incident encore plus tendu, c'est le 14 octobre 62 qu'il commence, c'est la crise des missiles. Ça, pour le coup, c'est une place importante dans le roman. Donc, en gros, c'est des avions américains qui voient qu'il y a des sites de missiles soviétiques qui sont en construction à Cuba, ce qui pose un dilemme. Est-ce qu'on laisse construire ça et ça fait une base armée soviétique très très près des frontières américaines, donc quelque chose de quand même dangereux, vu les tensions de l'époque, je comprends qu'il y ait une panique autour de ça. Ou est-ce qu'on détruit ces bases, on les attaque, mais dans ce cas-là, bah, la guerre serait plus du tout froide. Oui. D'un coup, elle devient très très chaude, la guerre. Effectivement. Et avec des gouvernements dont on sait qu'ils ont un armement de malade capable d'atomiser la planète. Et ben voilà, c'est sur la panique autour du nucléaire, de toute façon, je conseille un classique, Docteur Follamour, qui, je trouve, retranscrit très bien le sentiment autour de ça. Oui. Et puis c'est à pleurer de rien, en plus. Oui, clairement. Donc il y a des négociations avec Khrouchtchev, il se met à dos une partie de l'armée très belliqueuse qui était pour « on fonce dans le tas, on défonce les soviets, on défonce les cocos ». America Fokker. Voilà. Il y a une entente qui est finalement trouvée, les États-Unis s'engagent à ne pas envahir Cuba, à foutre la paix à Cuba, en échange du retrait des missiles, et en secret apparemment le retrait de missiles américains en Turquie. Bon, il y avait un peu la même situation, la Turquie c'est pas très loin de la Russie. J'ai revérifié sur une carte, ça a l'air pas très loin. Donc voilà, une situation ambiguë sur plein de points, très hostile aux communistes, ce qui nous mène à Lee Harvey Oswald, né en 1939, qui a une enfance chaotique avec une mère apparemment très dominatrice et protectrice. Il a des bilancies dans sa jeunesse qui montrent que niveau sociabilité, niveau relationnel, c'est pas trop ça. C'est pas trop ça, qu'il a une tendance à la violence prononcée. Mais qu'il est plutôt intelligent, par contre. Mmh. Il va être viré de plein d'écoles, il va être viré de foyers, bref, c'est le bordel. Sa mère déménage souvent. En gros, c'est un enfant qui aurait eu besoin d'un suivi psy, probablement, peut-être d'un placement, et qu'il n'a pas eu, hein, de ce que j'en ai compris. Ça a l'air d'être ça, la situation de Oswald. Okay, bon. Et en plus, dans une famille très pauvre, évidemment. Il s'intéresse au marxisme dès son adolescence et s'engage dans les marines en octobre 56, en se disant qu'il va protéger le monde, qu'il va aider. A priori, il était plutôt sincère dans sa démarche, mais il va vite découvrir, bah, d'une part, que l'armée, c'est pas l'endroit le plus pro-communiste du monde. Hein. Effectivement. Et comme il a une tendance à l'insubordination, ça lui vaut des problèmes. Mais, par contre, à signaler, il était a priori correct en tant que militaire, et contrairement à ce qu'affirment pas mal de théories complotistes, et notamment, je crois, je l'ai pas vu, mais je crois, le film de... JFK, de Oliver Stone, parle de ça. Il était bon tireur, visiblement. Il était au-dessus de la moyenne du reste des marines, donc très bon tireur, a priori. En tout cas, en revanche, le roman et la série confirment. Oui. Enfin, eux vont vers ce sens-là. Ouais, oui, bah, eux adhèrent à la théorie... Lee Harvey Oswald, voilà, sans autre assistance. Sans personne d'autre, ouais. Il obtient l'autorisation de quitter l'armée en septembre 69, et presque aussitôt, il va partir pour l'URSS. Il fait un voyage compliqué hein, pour y accéder, parce que bon, c'était pas forcément facile. À cette époque-là, oui. Il lui vend la nationalité russe, dans un premier temps, on lui dit non, il tente de se suicider le 21 octobre, et visiblement, ça convainc les gens, probablement un peu par pitié, de lui donner la nationalité. Mais son enthousiasme va assez vite se dégrader, parce que, le saviez-vous, c'était pas la teuf l'URSS à l'époque. le saviez-vous, c'est toujours pas la teuf aujourd'hui. Oui, mais ça s'appelle plus l'URSS. C'est vrai. Et puis leur président est sexy, torse nu avec les chevaux. C'est vrai, il y a peut-être une raison pour laquelle ça s'appelle plus l'URSS. Tu vois, j'imagine moins Khrouchtchev torse poil sur un étalon. Sur un ours. Voilà, ou en train de fighter un ours, ouais. C'est là-bas qu'il rencontre en mars 61 Marina Prosakova. Il se marie un mois plus tard, ça va très très vite. Et il est déjà alors en contact avec l'ambassade américaine pour récupérer son passeport et rentrer aux États-Unis. Et il obtient l'autorisation de rentrer en mai 62. Il arrive à Fort Worth le 14 juin. Tout ça, c'est des événements qui se passent en parallèle de l'intrigue du livre. Et leur fille June est née en février. C'est aussi ce voyage qui cause pas mal de doutes, parce qu'on ne sait pas grand-chose de ce qu'il a fait en Russie à l'époque, et donc il y a des théories comme quoi il aurait déjà travaillé en fait pour la CIA à l'époque, ou le FBI, mais en tout cas travaillé pour les États-Unis en réalité. Oui, un agent infiltré en URSS. Ouais. Clairement, il est surveillé par le FBI d'un peu loin, ce qui peut paraître surprenant parce que on aurait pu penser qu'il surveillerait de plus près un mec qui débarque de l'URSS, mais visiblement c'était d'assez loin. Il reprend ses activités liées au communisme, il fréquente la communauté russe de Dallas, mais il ne les aime pas, enfin il ne s'aime pas réciproquement. Ça aussi c'est présent dans le roman parce que Lee est considéré comme des traîtres et eux considéraient Lee comme un gros con. On a du mal à leur donner enterrement tort, même ça. Si visiblement il a des circonstances atténuantes. Et notamment, il rencontre George de Morenshield, dont la place exacte est elle aussi sujette à énormément de discussions. Ah, c'est très flou. Dans les théories du complot. Homme lambda, agent de la CIA. Ouais. Très très flou. C'est compliqué. Début 63, il commande des armes sous un faux nom, et en avril 63, il commet une tentative d'assassinat contre Edwin Walker, un général favorable à la ségrégation raciale, anticommuniste farouche, donc lui pour le coup clairement à l'opposition de ce que dit Oswald, parce qu'Oswald était aussi très défenseur de l'égalité raciale, hein, visiblement. Oui, t'es très... Ça c'est vachement sincère dans son agenda politique. Un antifa d'aujourd'hui, pour le coup. Ouais, c'est ça. On va pas tout à fait légitimer tout quand même. Non, quand même pas. Apparemment, il envisage à cette époque de retourner en URSS parce que il se rend compte que les États-Unis, c'est limite pire. Déjà, il y a sa mère et la relation un peu bizarre qu'il a avec elle. Il se fait virer de tous ses boulots, il vit dans des taudis, hein. Il vit à Dallas dans des trucs de merde. Il se rend compte que le rêve américain, c'est de la merde. Ouais, voilà, si tant est qu'il l'ait eu, le rêve américain, il se rend compte que c'est encore pire que ce qu'il croyait. Mais, mais l'ambassade russe n'est vraiment pas chaude, pour le coup. Il défend très activement Castro et la cause cubaine. Il fait pas mal de bruit autour de ça, dans la communauté communiste, pour ce qu'elle représente aux États-Unis à l'époque. Il s'isole de plus en plus, et sa femme va aller vivre chez des amis à elle, parce qu'ils cognent dessus. Donc, clairement, ils s'entendent pas et ils cognent dessus. Donc elle finit par fuir. Il y a toute une période juste avant qu'on arrive vers l'assassinat de Kennedy où il se déplace, où a priori il va au Mexique, mais on ne sait pas exactement ce qu'il fait, encore une fois. Et ça aussi, ça va alimenter les théories du complot. Il essaie d'obtenir sans succès un visa vers Cuba, a priori. Mais c'est quand même flou, son activité pendant une période proche de l'assassinat. Le 15 octobre, il se fait engager au Texas School Book Depository, c'est de là qu'il tirera sa deuxième enfant né. Et le 21 octobre, a priori, il tente une dernière fois de convaincre Marina de le rejoindre. Il va la voir en semaine, ce qu'il ne faisait jamais d'habitude. Elle refuse. Et donc le 22, quand Kennedy défile à Dallas, il le tue depuis une fenêtre du Book Depository au 5e étage à 12h29. Et là aussi, pas mal de détails flous sur sa fuite. On sait qu'il tue un policier, Tippit, aux alentours de 13h15, parce qu'il voulait contrôler son identité. Mais ses mouvements exacts, encore une fois, on ne les connaît pas. Parce qu'il est finalement arrêté dans le cinéma du Texas Theater à 14h, parce qu'il est entré sans payer. C'est comme ça qu'il s'est fait repérer. Et ça, forcément, ce genre de choses, ça alimente les théories du complot. Ouais. C'est... Moi, ça m'évoque Tais-toi, parce qu'il y a une scène au début où Depardieu rentre dans un cinéma sans payer, et c'est comme ça qu'il se fait choper aussi. Donc j'imagine un peu Lee Harvey Oswald dans Depardieu, dans Tais-toi. Voilà, en Quentin de Montargis, une association improbable. Et ce genre de choses alimente toujours les théories du complot, alors que quand tu regardes l'histoire, la majorité des grands criminels se sont fait choper pour de la merde. Hein. Oui. Oui, de... Rappelons quand même que Al Capone s'est fait avoir pour une fraude fiscale, quoi. C'est ça. Et non pas pour toutes les autres saloperies qu'il a faites. Et on connaît ça grâce au cinéma, pour ce que je pense que t'as appris ça dans Les Incorruptibles. Oui. Comme moi. Voilà, évidemment. Et même au-delà de ça, nombre de terroristes finissent par se faire choper parce que dans leur fuite, ils font tomber leurs papiers, ce genre de conneries en fait. Oui, c'est ça. C'est juste, c'est lambda en fait, mais forcément, puis, comme d'habitude, les théoriciens du complot. Pour tout ce qu'on ne sait pas autour de Lee Harvey Oswald, on est dans les années 60, en vrai, Internet ça n'existe pas encore. Oui, pister compliqué. Les gens, c'était beaucoup plus simple que ne serait-ce que 50 ans plus tôt, mais ça restait possible de disparaître pendant. Une période donnée, surtout si on allait dans des pays avec des voyages un peu chelous pour passer d'un bloc à l'autre, il fallait être discret et on pouvait l'être. Toujours est-il que la garde à vue de Oswald semble très limite sur le plan légal, ce qui n'est pas très surprenant. On lui refuse une assistance juridique, ce qui est illégal mais pas surprenant. Il nie les meurtres, c'est pas surprenant non plus. Et il est abattu le 24 alors qu'il allait être transféré dans une autre prison. Il est abattu par Jack Ruby, alors lui aussi figure un peu bizarre, Jack Ruby, patron de boîte de nuit, a priori soutien de Kennedy, peut-être. Sauf qu'il était aussi très proche de Jimmy Hoffa et Carlos Marcello, deux gros mafieux, eux clairement hostiles à Kennedy. Bah oui. Donc, voilà, j'ai signalé un certain nombre des points obscurs qui en réalité, moi, me surprennent pas tant que ça, comme on l'a dit, pour l'époque et parce que l'histoire, c'est compliqué, c'est compréhensible, mais je comprends que ça alimente en fait toutes les théories du complot. Il y a juste un terreau qui est colossal, surtout avec Oswald qui se fait abattre très très tôt, en fait, et qui peut rien dire, du coup. Oui. Et c'est vrai que l'assassinat de Kennedy, c'est un véritable tarier de lapin. Hein. Quand tu plonges un doigt dedans, t'es aspiré, et t'as des théories partout. Et effectivement, on peut supposer que pas mal de trucs de l'histoire de l'Amérique qui succèdent auraient peut-être pas eu lieu, ou pas comme ça, s'il n'y avait pas eu la mort de Kennedy. Oui. L'assassinat de Malcolm X en février 65, ça pour le coup, le roman n'en parle pas, mais bah, je sais pas si les Black Panthers auraient pris une telle dimension, en fait, s'il y avait eu encore Kennedy. Oui, parce que du coup, s'il aurait réussi à atténuer les... Peut-être que ça aurait calmé les tensions, voilà, au final. Ça aurait peut-être tout calmé. Que Malcolm X se serait pas fait assassiner. C'est pour ça que le point de départ du roman est très malin, en fait, parce qu'effectivement, c'est quelqu'un qui aurait pu véritablement changer la face de son pays, voire du monde. Ouais. Une autre figure passionnante, je trouve, d'ailleurs, Malcolm X. Oui. Martin Luther King, lui, est assassiné en avril 68, et pareil, on peut supposer que ça aurait peut-être pu être évité. Robert Kennedy, bah, c'est à peu près certain, lui, qu'il n'aurait pas concouru à la présidentielle, donc il ne serait pas mort en juin 68. Fred Hampton, un autre Black Panther, tué en décembre 69 par le FBI, lui. Lui, on est sûr que c'est le FBI. Oui. Et on suppose aussi qu'il n'y aurait pas forcément eu tout ce qui était autour de l'armée de libération symbionnaise et donc l'enlèvement de Patty Hearst, une gosse de riche qui avait plus ou moins rejoint le groupe, qui était un groupe de terroristes d'extrême gauche. Enfin bref, l'histoire de l'Amérique à l'époque, c'est un sacré bordel, c'est compliqué, je ne me connais pas plus que ça, mais je trouve ça passionnant. Et bah, l'assassinat de Kennedy et tout ça, c'est des trucs qui ont alimenté la fiction américaine énormément. Ah oui, c'est un terreau ultra fertile. Le film d'Oliver Stone, je sais pas trop où le placer parce que lui prétend que c'est à la limite du documentaire, donc est-ce qu'on peut le qualifier de fiction? Ouais, c'est particulier. C'est compliqué. Mm. Comme j'aime déjà pas Oliver Stone quand il parle de trucs avec lesquels je suis d'accord avec lui, j'ai pas des masses envie de voir le film. Ah, le problème, c'est un film que moi personnellement j'aime bien, mais. Que quand je le regarde plutôt avec un œil, c'est une fiction. Alors que bon, quand t'écoutes Stone, il te parle de son film comme si c'était une vérité possible. Ouais. Mais très possible. Donc il y a pas mal de trucs. D'assez intéressant que j'ai lu dernièrement, il y a une trilogie de Greg Hills, formée des romans Brasier Noir, L'Arbre aux Morts, je crois, et Le Sang du Mississippi. Qui parle du Ku Klux Klan dans les années 60, bah dans le Mississippi, qui est une trilogie polar. Alors chacun des trois tomes fait 1000 pages et il faut les enchaîner parce qu'il n'y a pas de fin aux deux premiers. Hein. C'est une histoire en continu, d'accord. Il faut s'y lancer. Mais pour le coup, qui revient sur. Qui lui adopte aussi une théorie selon laquelle c'est pas Oswald qui a tué tout ce monde, mais qui va pas non plus dans la direction CIA, qui adopte un angle assez intéressant, et qui pour le coup est une fiction assumée. D'accord. Et c'est très sympa, malgré quelques petites longueurs, c'est une très bonne trilogie, qui parle notamment beaucoup de ségrégation raciale dans le Mississippi à cette époque. Mmh. Voilà. Oui, parce que dans les théories, il y en a aussi quelques-unes qui pointent du doigt l'extrême droite. Ouais, voilà, mais c'est plutôt de ce bord-là, voilà. Cette trilogie. Hein. Qui voyait plutôt d'un mauvais oeil le fait qu'on donne plus de liberté aux immigrants et aux personnes racisées. Ouais, voilà. Bon, si tu veux partager un truc que tu connaîtrais autour de ça, qui te plairait particulièrement, vas-y. Moi, c'est ce que j'avais noté de principe. Non, mais on a les mêmes références, donc je n'ai rien à rajouter. Si ce n'est qu'à la limite, parmi toutes les théories du complot, bon, mis à part, pour moi, c'est lié à Oswald, il n'y a pas d'autres explications. Mais si je devais en croire une, ça s'agirait plutôt du côté de l'extrême droite quand même. Ah, c'est notre côté bobo gauchias. Voilà. Donc voilà, ce point était important parce que tous ces événements qu'on vous a racontés, à partir du retour de Lee aux États-Unis, c'est très présent dans le roman parce que le héros va surveiller Lee Harvey Oswald et sa famille et donc voir tout ça se passer sous ses yeux. Donc c'était un point intéressant à faire, je pense. Mmh. Et on va passer au livre maintenant. C'est parti ? C'est parti. Donc, le roman nous raconte l'histoire de Jake Epping, un prof de littérature qui va être chargé d'une mission par un de ses amis, Al Templeton, qui tient un petit resto burger qui a toujours pratiqué des prix très bas. Et en fait, Al, il a dans son arrière-boutique un chemin qui mène en 1958, toujours le même jour, le 9 septembre 58, et qui permet donc de vivre là-bas, et quand on revient, on peut emporter tout ce qu'on a pris là-bas, et si on y retourne, c'est comme s'il y avait un reset, tout est remis à zéro. On repart au 9 septembre. Ouais. Et Al Templeton avait développé un grand projet, celui de stopper Lee Harvey Oswald avant qu'il n'assassine Kennedy, mais après avoir confirmé qu'il a agi seul, même s'il en est presque sûr, et il va chez... mais il est atteint d'un cancer en phase terminale qui va le tuer, donc il pouvait pas rester jusqu'à la date de l'assassinat, et donc il va charger Jake de régler ça en lui disant, bah, si tu règles ça, en fait, l'histoire de l'Amérique sera très différente. Et donc Jake va aller en 58, va faire des tests d'abord, et après va y retourner pour y rester, mais il va devoir vivre 5 ans en 58 avant que vienne l'assassinat en lui-même. C'est un roman que King essaie d'écrire très tôt, en fait, avant Carrie, dès 1971. Oh la vache. À l'époque, le titre aurait été Split Track, mais il abandonne très très tôt pour deux raisons. La première, c'est que ça aurait demandé des énormes recherches et qu'à l'époque, il était encore prof à côté, donc faire de grosses recherches tout seul, c'était compliqué. Maintenant, King, à l'époque où il écrit le roman, il a des gens pour l'aider dans ses recherches et compagnie, donc c'est beaucoup plus abordable. Et surtout, il se disait que c'était peut-être un peu frais dans la mémoire américaine, ça avait même pas 10 ans, donc il avait peur que ce soit un peu trop sensible comme sujet. On peut le comprendre. C'était vrai aussi d'ailleurs d'un autre roman, un gros roman qu'il écrit pas longtemps avant, c'était vrai de Dôme aussi, c'est à cette époque qu'il l'avait envisagé pour les premières fois. D'accord. En le reprenant, il va beaucoup lire sur l'assassinat, les théories du complot, etc. Il va se renseigner là-dessus, il comprend pourquoi il y en a qui sont complotistes, mais lui il est adepte de la théorie mainstream, de la théorie grand public, à savoir Lee Harvey Oswald qui aurait agi seul. Dans son roman, il va se permettre de changer quelques événements mineurs autour du quotidien des Oswald, la date de certaines réceptions par exemple pour l'aider en intrigue, mais il colle le plus possible à la réalité, du moins quand elle est connue. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup de trucs qu'il est obligé d'amener. Il promet à l'époque qu'il réécrira jamais de roman historique tellement ça lui a demandé de travail de recherche. Et a priori, ça a aussi amené la difficulté d'intégrer ces éléments historiques dans sa narration sans que ça ressemble à un cours. Et on y reviendra, je trouve que c'est une des qualités du roman, Oui. effectivement, il traite de beaucoup de trucs réels sans être trop lourd. Et le plus dur, ça a été de traiter le fait qu'en réalité, Oswald et Marina parlaient presque toujours en russe quand ils étaient ensemble. Et donc faire passer des infos à quelqu'un qui parle pas russe, bah c'est compliqué. Oui, effectivement. Il a pu interroger des proches de Kennedy et de Johnson pour construire la fin du récit. Quand il y a une histoire alternative de l'Amérique qui nous est racontée. Donc il s'est pas mal documenté pour ça, pour que ça paraisse le plus réaliste possible. Et il évoquait déjà l'idée du roman quelques années avant sa sortie dans Marvel Spotlight en 2007. Il était interviewé par rapport à l'adaptation en comics de La Tour Sombre. Oui, d'accord. Et donc je lis la citation. J'aimerais raconter une histoire de voyage temporel sur un mec qui trouve un diner qui le renvoie en 1958, toujours le même jour. Un jour, il y va et reste là-bas. Il abandonne sa vie de 2007. Son but? Attendre le 21 novembre 63 et arrêter Lee Harvey Oswald. Il y arrive et se convainc qu'il a arrangé l'histoire du monde. Mais quand il revient en 2007, le monde est devenu un enfer post-nucléaire. Faut pas jouer avec le temps. Alors il doit y retourner et s'arrêter lui-même, sauf qu'il a reçu une dose de radiation mortelle. C'est une course contre la mort. Finalement, il n'y a que la première partie Oui. qui va être adaptée, qui va donner tout le roman, parce qu'il va ajouter pas mal de trucs. Mais l'idée essentielle était quand même totalement là. C'est juste que du coup, le bouquin aurait duré 2000 pages si tout avait été fait. C'est ça, ou alors le début aurait été beaucoup plus rapide, il aurait Oui. peut-être pas mis tout ce qui concernait Sadie notamment. À la base, la fin était assez différente dans son projet. C'est Joe Hill qui lui souhaite la fin telle qu'on la connaît. En fait, au départ, Jake devait juste voir un article indiquant que Sally a eu 80 ans et vit heureuse avec un mari de longue date, et il ne devait pas retourner la voir. Oui, il tenait l'engagement à ses principes. Voilà, c'est ça. Dans les interviews, il insiste pas mal sur son rapport à la nostalgie qu'il a éprouvée en écrivant, parce que finalement, les années 60, c'est son enfance et sa jeunesse à lui. Mais il ne voulait pas rendre ce monde-là trop idéaliste, conscient que lui, il le voyait à travers des souvenirs... des souvenirs viciés, en fait, des souvenirs pas bons. Et c'est pour ça qu'il va notamment pas mal insister sur la question de la ségrégation, et ça va influencer sa vision de Dallas, même si lui, il dit dans les interviews qu'il déteste encore plus Dallas que son personnage. Il trouve que c'est une ville encore pas top aujourd'hui et vraiment détestable à l'époque. Il a aussi voulu humaniser le plus possible ses personnages historiques, ça on y reviendra. Et il compare le message de son livre à celui de Dead Zone, disant qu'il commençait à se sentir mal à l'aise avec la morale de ce roman où l'assassinat politique est justifié dans certaines circonstances, et il fait passer un message inverse dans 22-11-63 où l'assassinat politique finalement ne marche pas. Oui. Qui est un message qui correspondrait bien plus à celui des Metal Gear, par exemple. Oui. Le livre est dédié à sa petite fille Zelda. Et on peut signaler une très chouette couverture reprise dans la majorité des éditions avec sur une face une couverture de une où Kennedy meurt et sur l'autre face une une de journal où Kennedy est sauvé. Mmh. Voilà, elle est très sympa. Ouais, la couverture est très jolie. Et pour le coup, pour une fois, comme on se le disait, la nouvelle couverture de la nouvelle édition pour correspondre à la charte visuelle qui est en cours est un peu moins bien, je trouve. Oui, c'est un profil, une silhouette de Kennedy de profil au milieu d'une cible. Bon, c'est très lambda en fait. Ouais. Le livre sort le 8 novembre 2011 aux États-Unis et reste 21 semaines sur la liste des best-sellers du New York Times, dont 4 à la première place. C'est la deuxième meilleure vente de fiction aux États-Unis en 2011 selon Publisher Weekly, et il sort le 28 février 2013 en France. L'accueil critique globalement est bon, malgré des critiques qui disent que c'est un peu long, surtout dans la partie centrale concernant la vie quotidienne de Jake et sa romance avec Sadie. Il est nommé pour le prix Locus du meilleur roman SF en 2012 et arrive deuxième derrière un roman appelé Legationville de China Mieville, que je ne connais pas, et il est aussi nommé au British Fantasy du meilleur roman. Et il est très apprécié aujourd'hui des amateurs de King, je l'ai vu plusieurs fois dans des top 10 des meilleurs romans. On va faire une petite liste pour les fans des références à d'autres œuvres de King, et après on passera à notre avis à nous. Quand il revient dans le passé, il y a une Plymouth Fury qui revient pas mal, c'est qui est indiquée comme la fin des années 50. C'est même l'une des premières choses qu'il voit en arrivant dans le passé. Ouais, c'est ça, elle revient plusieurs fois. Et donc, c'est Christine. Hein, qui est une Plymouth Fury 58. Il arrive quelques mois après les événements de ça, il y a tout un passage qui se déroule à Derry, donc on entend parler du fait qu'il y a eu beaucoup de morts dans la ville dernièrement, beaucoup d'enfants disparus aussi, et on revoit Beverly et Richie dans les friches. On entend aussi parler de la Syrie. Oui. Avec son explosion qui a tué énormément de gens, voilà. Ouais, c'est ça. Et Jake déteste immédiatement la ville de Derry. Ouais. D'ailleurs, la crue de 84 est évoquée parce que Jake dit que le seul truc qu'il connaissait de Derry avant de débarquer dans le passé, c'est qu'il y avait une crue là-bas en 84 qui avait détruit une partie de la ville. Et Juniper Hill, l'asile, est évoqué. Le père de Harry, on en reparlera, a été envoyé à Shawshank et est mort. Donc Shawshank Redemption, les évadés dont on a parlé il y a 2 épisodes. Exactement. Il y a une évocation rapide de la ville d'Arnett, qui est une ville fictive au Texas, qu'on voit dans Le Fléau. Et il y a quelques clins d'œil à la Tour Sombre, notamment autour des jeux, dans les chiffres et dans les dates. Ah ça, du coup, j'y ai moins fait attention. Voilà. Ils sont beaucoup plus discrets, pour le coup. Ouais. Vous ne devriez pas être là. Vous avez compris. Vous ne devriez pas être là. C'était quoi ce bordel, Al ? Ça, c'était le 21 octobre de l'année 1960. Non, mais n'importe quoi ! Maintenant, tu saisis pourquoi je voulais que tu ailles voir là-dedans. Mais qu'est-ce que tu racontes ? C'est pas possible, c'est... C'est dur de trouver les mots qui conviennent, oui, je suis au courant. Mais si tu entres là-dedans, tu es en 1960. Quoi ? T'insinues que c'est un portail temporel ? Ouais, ou un terrier de lapin, c'est comme tu veux. Et il est là depuis quand ? Depuis que j'ai ouvert le restaurant. Et qui est au courant, à part toi ? Tu es le seul. Si je parlais du terrier à quelqu'un d'autre, on pourrait chercher à m'arrêter. Chercher à t'arrêter ? Mais qu'est-ce que tu racontes exactement, Al ? Et pourquoi tu me l'as montré à moi ? J'ai besoin que tu fasses ce que j'ai pas pu faire. Je veux que tu retournes dans ce placard et que tu empêches l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Et on va pouvoir passer à nos avis sur ce long roman. Qu'as-tu pensé de 22-11-63, Christopher? C'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé en off. Moi, du coup, c'est un roman que j'ai découvert, que je n'avais jamais lu. Je vais vite te laisser la parole, parce qu'on en parlera en long, en large, en travers juste après. C'est juste pour signaler que le roman est arrivé. Tu vois, il s'est inséré comme ça dans mon top 10 de King. Il a fait « Attendez, poussez-vous les gars, j'arrive !» Et voilà. Non, c'est un excellent roman. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu un aussi bon roman de science-fiction, slash fantastique, slash romance. Parce que l'une des grosses qualités également de ce 22-11-68... 63. 63, pardon. C'est... je confonds avec la lunissage. C'est... 69. Oui, bon, c'est bon, non, c'est la version Kubrick, c'est en 68. Oui. La grosse qualité de ce roman, c'est son mélange de genres qu'il maîtrise de A à Z. Mais on en reviendra après. Alors moi, je l'avais déjà lu depuis quelques années, mais bah, je l'avais déjà dit, c'est un King que je trouve excellent. En effet, il traite très bien de son sujet, comme la majorité des trucs qui parlent de voyage dans le temps qui me plaisent, en fait, le voyage dans le temps... et plus une technique narrative qu'un vrai propos. Et en effet, c'est là que je suis pas d'accord avec les critiques, je trouve que le ralentissement du rythme très prononcé pendant toute la partie centrale est cool, parce que justement, ça va permettre de parler d'autre chose, ça va permettre de redévelopper une vie pour le personnage, et donc de justifier toute l'intensité dramatique de la fin. Mais c'est même moi ce que j'ai préféré, c'est les passages les plus importants, les plus satisfaisants pour le personnage et pour son évolution. Ouais, c'est tout ce qui concerne ses relations, pas que avec Sadie d'ailleurs. Toutes ses relations avec Dickie, avec Miss Mimi, avec les élèves. Voilà, c'est tout ça qui est passionnant. Je trouve, comme je l'ai évoqué, qu'il intègre très très bien ces éléments historiques, avec des longues phases qui font un peu fenêtre sur cour. Où Jake épie la vie quotidienne des Oswald. Et effectivement, je trouve qu'il arrive à bien gérer les petits moments de bonheur qu'il leur donne. Très bonne intégration de l'histoire. J'aime beaucoup la manière qu'il a d'humaniser Oswald, mais sans le rendre sympathique pour autant. Ouais, c'est ça, il est pas aimable, mais il est humain. C'est pas juste une figure historique. Voilà, il est humain, mais on n'oublie pas que ça reste quand même une saloperie, parce qu'il bat sa femme. C'est pas qu'une saloperie parce qu'il va tuer le président, loin de là. C'est même pas ce que je lui reprocherais le plus. Voilà, il est pas aimable avec les gens, alors que toute la communauté russe, au début, l'accueille plutôt à bras ouverts. Hein, c'est à cause de ses actions, en fait, qu'il se détourne de lui et qu'il favorise plutôt Marina, parce qu'elle reste gentille, quoi qu'il arrive. Ça arrive aussi à traiter de questions historiques. La ségrégation raciale est un peu présente. C'est pas le thème le plus mis en avant, mais il est là, plusieurs moments. Elle revient assez souvent. Il y a ce passage où, à un moment, le personnage s'arrête à une station essence, il me semble, et donc il veut aller aux toilettes. Et il nous décrit l'accès aux toilettes pour les personnes racisées qui est un enfer sur Terre, quoi. Oui, d'ailleurs, c'est même pas des toilettes, hein, c'est une planche posée au-dessus d'un ruisseau, en réalité. Oui, voilà, et où tu dois passer par des espèces de plantes venimeuses, c'est infernal. Des espèces de ronces qu'on n'a pas chez nous, fort heureusement. Ronces, on en voit dans les bois, c'est juste que... Oui, mais dans les bois, pas dans nos villes. Oui, je crois que c'est une station-service un peu en campagne, hein, où il est à ce moment-là, c'est lui qui fait la route. Donc ça, c'est bien. Le traitement de la pauvreté et des taudis de Dallas, je trouve ça vachement intéressant. En fait, j'aime bien ces personnages qu'il rencontre quand il cherche à acheter un nouvel appartement et qu'il rencontre Ivy Templeton, qui habite là, où, enfin à côté de là où vont s'installer les Oswald, et au départ il la considère comme une cassos. Il est très méprisant en fait envers elle dans la narration la première fois qu'il la voit, et après il y a un truc qui s'installe, il est plus gentil avec elle, on voit sa petite fille un peu. C'est des personnages qui passent très rapidement, mais qui permettent de traiter un vrai thème. La peur du nucléaire et ce que ça peut faire aux gens, c'est très très bien traité à un moment du livre. Il y a le thème de l'inflation aussi qui arrive lui pour le coup très tôt. Oui. Puisque dès qu'il arrive dans le passé et qu'il paye une tourte à quelques centimes de dollars, bon, effectivement, il est très content. Donc, ça arrive très... Et puis même le prix des vêtements, le prix du véhicule, le prix de l'essence, tout ça est abordé. Le coût de la vie, en fait, tout simplement. Il y a tout un passage aussi où il nous dit que... Donc on faut rappeler quand même, on est à la fin des années 50, on est quand même relativement proche de la Seconde Guerre mondiale, on sort quand même d'une période assez sombre dans l'histoire de l'humanité. Et on voit que même si tous ces gens sortent de cette période, il y a quand même un espoir commun. Tous ces gens sont plutôt joyeux, sont plutôt accueillants, parce qu'en fait, après tout ce que l'humanité a vécu, il ne peut y avoir que du mieux. Il y a ce sentiment de bien-être en fait qu'ont tous les personnages qui l'entourent au début du roman, et je trouve que c'est plutôt une vraie bouffée d'air frais en fait. À part autour du nucléaire justement. Voilà, c'est la seule crainte. Et bah, de tout ce qui est en parallèle, la ségrégation, tous les trucs de discrimination et de censure autour des livres aussi, c'est traité avec l'attrape-cœur de Salinger qui est un livre que je n'ai pas lu. Non, moi non plus. Voilà. Mais il faudrait un jour. Et bah, là pour le coup, c'est plus un thème cher à King, mais la partie à Derry. Je trouve qu'elle est très réussie et ça fait plaisir de... Enfin, plaisir. Derry est une ville de merde. Oui. Voilà. Mais c'est bien de retrouver Derry. C'est, De se replonger dans cette ambiance, parce qu'il y a des moments... Il y a ce moment à la Syrie où il sent la présence de ça. Ouais. Mais c'est pas dit seulement vite fait. C'est tu le comprends, que ça est toujours là, en fait, qu'il attend. Oui, c'est ça. Le passage avec Bev et Richie, bah, ça fait plaisir de les revoir, c'est des chouettes persos. Oui, parce qu'en plus, on disait que ça se passe à la fin de ça, mais ça se passe à la fin de la période d'enfant de ça. Oui, oui. Voilà. Effectivement, en 58, c'est dès qu'il débarque qu'il a ce truc-là. Donc c'est pour ça que quand il est à Derry, King nous fait comprendre que, attention, il y a Bev et Richie qui, eux, sont bien, mais que tous les adultes, ils sont pas trop normaux, quoi. Ah oui, oui. Tu sens que la ville est sous une chape de plomb, que les gens semblent enfermés sur eux-mêmes. C'est très, très lourd comme ambiance. Mm-hmm. Tout le passage à Derry est vraiment ultra bien, quoi. Ouais. Bah, si on essaie de reprendre un peu le roman dans l'ordre pour parler des différentes étapes, moi j'aime bien aussi tout ce début, mais qui déjà montre un héros qui a pas grand chose. Finalement, il a été. Il s'est séparé de sa femme, il a un rapport un peu ambigu à son métier, il y a des moments d'espoir, genre la lettre de Harry Dunning. Donc Harry Dunning, c'est le concierge de l'école qui est boiteux et tout le monde se fout de sa gueule et il fait un cours de rattrapage pour adultes en IT et dans une rédaction sur le jour qui a changé votre vie, alors que la plupart racontent des trucs plutôt joyeux, a priori, lui il raconte le jour où son père a tué toute sa famille. À coup de gros marteau de boucher. À coup de marteau de boucher. Et déjà c'est plutôt marquant d'avoir ça quand même très très tôt dans le roman. Et après, ça va être une des raisons qui va pousser Jake à retourner dans le passé, parce que c'est en 58 que c'est arrivé, peu après la date d'arrivée dans le passé. C'est le soir d'Halloween. C'est le soir d'Halloween. Et donc lui, il arrive dans la première dizaine de septembre, donc c'est vraiment un petit mois avant à peine. C'est ça. Tout le début avec les tests, justement, et les règles du passé est intéressant. Expliqué on découvre que Hal lui-même a mis longtemps, et au début a utilisé juste ça comme une technique pour aller acheter de la viande très bonne et pas chère, et donc pour maintenir très bas les prix de son burger, où tout le monde est persuadé que c'est fait avec du rat, du coup. C'est ça. C'est pour ça qu'il dit, à ton avis, comment ça se fait que les burgers sont aussi peu chers chez moi. Le désespoir d'Al qui va quand même un peu forcer la main au final de Jake, il est bien traité parce qu'il est malade et parce qu'il y croit vraiment à sa possibilité de changer pour un gros mieux l'histoire du monde. Et les tests sont... cool parce que finalement il va en faire... deux des tests en gros. Enfin, Al en avait fait un autour de... D'une gamine qui était paraplégique. Une gamine qui était devenue paraplégique dans un accident de chasse. Et notre héros, Jake, lui, va le faire autour de Harry Dunning et de Derry. Et la première fois qu'il va à Derry, bah, ça se passe pas si bien que ça, au final. Ouais. Il se rend compte que le passé résiste, parce qu'il y a cette règle-là. Le passé met des bâtons dans les roues quand on essaie de le modifier de manière trop prononcée. Et donc, il a plein d'emmerdes au moment de vouloir sauver la famille Dunning. Il va pas réussir à tous les sauver. Mmh. Mais il va se rendre compte qu'il a bien changé le futur. Et donc c'est ça qui va le motiver après à y aller pour le cas Kennedy. En recommençant du coup pour la famille Dunning. Ouais, c'est ça, de manière plus réussie la deuxième fois. Voilà. Et aussi en empêchant la gamine que Al avait déjà sauvée également. Oui, et pour le coup, j'aime vraiment bien la manière dont il s'y prend. Oui, c'est très joli. Parce que pour la gamine, plutôt que Al en fait avait essayé de... En fait, avait feint une crise cardiaque pour stopper le chasseur qui allait tirer sur la gamine. La technique de Jake, c'est de demander à ce chasseur de lui apprendre à jouer à un jeu de cartes, le Cribbage, qui est un jeu très sympa. Et en fait, bah, la journée où il devait être à la chasse et provoquer l'accident, en réalité, il va passer la journée à jouer au Cribbage avec lui, et ils vont tous les deux passer une très bonne journée. Voilà. Et je trouve ça assez intelligent. Et ça amène le thème aussi où il est vu un peu comme un ange gardien par une partie des persos qui ont une sorte de chenille. Est-ce qu'à la fin de ce chapitre-là, qui est un chapitre très très court d'ailleurs, hein, qui se focus uniquement sur ça, c'est l'un des rares chapitres qui n'a pas deux chapitrages internes dans son chapitre, parce que c'est le découpage du bouquin qui est découpé en partie à l'intérieur desquels il y a des chapitres numérotés, à l'intérieur desquels il y a des petits chapitres. Ouais, une habitude assez récurrente chez King. Ouais. Et donc c'est à la fin, la femme du chasseur en fait le remercie parce qu'elle comprend qu'il n'est pas venu ici par hasard et qu'en fait il a empêché un drame de se produire. Ouais. Donc ça fait partie des beaux trucs et qui, je trouve, au final, anticipe un peu ce que va devenir le récit après, parce que la partie d'Eri est très très active, pour le coup, c'est du pur thriller, hein, d'Eri, un pur thriller bien lourd et bien violent. Ouais, bien sombre. Et après, on va passer à quelque chose de plus posé, pendant longtemps, pendant facilement 300 pages, voire 400, au centre du roman. On est sur un roman de 1100 pages, hein, dans la version poche. Et ça va se poser parce qu'il va arriver à Dallas, mais il a des années d'avance par rapport même à l'arrivée de Lee Harvey Oswald lui-même. Et au départ, son projet, c'est plus ou moins de s'installer à Dallas, pas loin du Book Depository, et de tout faire de là-bas. Sauf que Dallas, c'est de la merde. Donc, il va trouver une ville proche, beaucoup plus sympathique, et décider de s'installer là-bas. Jody. Ouais, voilà, la ville de Jody. Une ville très silencieuse, parce qu'il y a Jodie Foster. Voilà. Et c'est là qu'il va commencer à forger sa vie dans les années 60. Alors, je te laisse raconter un peu, histoire que je ne parle pas tout seul. Oui, bah encore, il cherche un emploi. Donc, il veut poursuivre ce qu'il avait au jour présent, comme il le dit. C'est comme ça qu'il qualifie l'époque dans laquelle il vient, le jour présent. Donc, il va tout simplement postuler pour être professeur de l'IT... c'est un lycée, il me semble, qu'il intègre, au lycée de Jody. Puis après, il va avoir des relations qui vont se lier entre lui, le proviseur, il me semble que c'est Dickie, c'est le grand proviseur. C'est ça, ouais. C'est le grand directeur de l'école, qui vont également développer des liens avec Miss Mimi, qui est, elle, la bibliothécaire actuelle. Liens qui vont amener à une relation entre Dickie et Miss Mimi. Surtout quand on va apprendre que cette dernière, malheureusement, a un cancer. Et même moi, en tant que lecteur, tu te le prends vraiment comme une claque dans la gueule, parce que c'est un personnage très attachant, Miss Mimi, parce que c'est un personnage qui directement sent qu'il y a quelque chose de bon chez Jake. C'est limite même à croire qu'elle aussi aurait peut-être le Shining, parce que vraiment, elle n'a aucun doute sur le bien que représente cette personne, alors qu'elle ne le connaît ni Nev ni d'Adam, quoi. Elle a juste quelques petites réticences parce qu'elle sent qu'il cache des trucs, mais au final, elle se pose pas plus de questions que ça. Enfin, c'est comme ça que je l'ai ressenti, en tout cas. Ouais, elle est très attachante. Alors qu'elle meurt, assez rapidement, Miss Mimi, en réalité. Ouais, mais par contre, sa mort a une telle implication dans l'évolution de tous les autres personnages, de Dickie, et également, du coup, de Sadie, donc le grand amour de Jake, qui arrive... alors que ça fait peut-être une année qu'il est professeur. Ouais, c'est ça, à peu près, ouais. Elle arrive pour être la future remplaçante bibliothécaire de Miss Mimi. Miss Mimi, ouais, j'aime bien le personnage, bah, qui, justement, c'est là qu'il y a toute la discussion sur Salinger. Ouais. Parce que c'est comme ça qu'elle se décide à le recruter, c'est quand elle lui demande son avis sur L'Attrape-cœur, qui était un livre... Interdit. Et qu'il dit que pour lui, ça devrait pas être interdit, mais contextualisé, à la limite... Et qu'ils ne sont pas cachés, tous ces trucs-là. Contextualiser, alors que ça devrait être présent dans toutes les bibliothèques du ouais. pays. Et Miss Mimi lui dit, bon, bah, on ne l'aura pas dans la bibliothèque, mais j'aime bien, donc on va vous prendre. Voilà. Effectivement, en fait, il y a une série d'événements à Jody qui font qu'il rompt une règle que lui avait donnée Al, qui était de ne pas s'attacher, de ne pas s'installer ouais. dans sa vie. Donc il y a la mort de Miss Mimi, auquel il s'était attaché beaucoup. Et il y a la pièce de l'école, il va mettre en scène des souris et des hommes, avec notamment dans le rôle de George, Mike Coslow, qui est de l'équipe de football américain, ouais. normalement, et qui est vu par tout le monde comme le sportif, star, un peu gros dur, un peu bébête, et qui se révèle un excellent acteur, et qui émeut tout le monde, dont Jake, qui va beaucoup s'attarder en fait sur cette mise en scène de des souris et des hommes. Ouais. Au passage, j'adore ce roman. Oui. C'est tout court, ça fait 150 pages. Et je vous le conseille, tout comme d'ailleurs Les Raisins de la Colère. Ah oui, pour le coup, je n'ai pas lu. C'est très très bien, Les Raisins de la Colère. C'est beaucoup plus long, ça fait 600 bonnes pages et c'est vraiment excellent. Oui. Effectivement, la rencontre avec Sadie est très attachante. Et elle est drôle. La rencontre elle est très drôle. Ouais. C'est une, elle est décrite comme une, donc comme une jeune femme très grande, qui du coup a un complexe d'être très grande, parce qu'elle mesure... 1m80, quelque chose comme ça, donc plus grande que la majorité des hommes en fait qu'elle croise, et elle, elle le décrit comme un complexe qu'elle a depuis des années et des années, une très belle, très maladroite, puisque bah, leur première rencontre, elle lui tombe littéralement dans les bras, oui. en chutant, en s'en mêlant les pieds sur une chaise, il me semble. Ouais, c'est ça. Et le personnage est très très attachant. En fait, pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti à la lecture, Jody, donc la ville de Jody, c'est vraiment le pendant lumineux de Derry, justement. Oui. C'est des villes comme ça, qui nous semblent très lointaines, enfin qui le sont, temporellement parlant, mais avec des manières de vivre vraiment d'un temps qui pour nous est vraiment totalement révolu, avec des personnages qui ont des petites vies dans leur coin, qui ne semblent pas avoir d'impact réel sur l'histoire avec un grand H, mais des personnages très attachants, et là pour le coup, il se passe... énormément de bonnes choses, même si quand même Jody va aussi avoir dans son histoire des drames, avec notamment des histoires liées aux étudiants qui auront un petit accident de voiture plus tard, ouais. le décès de Miss Mimi. Mais malgré tous ces drames qui se passent à Jody, tous les habitants sont tellement solidaires que ça en fait une ville extrêmement lumineuse, quoi. Et c'est pour ça que ouais, je l'ai vraiment ressenti comme le pendant lumineux de Derry. C'est si King devait refaire un nouveau tome de La Tour Sombre, il y aurait un duel entre les forces du mal et du bien, et les forces du mal viendraient de Derry, et les forces du bien viendraient ouais, de Jody. Ce serait crédible, effectivement. Et donc, ouais, bah, tout le sens du roman, en fait, il y a deux choses en parallèle. Il y a la vie à Jody, alors qu'il va avoir ses accidents, on y reviendra, et la vie à Dallas, où il surveille JFK, Harvey Oswald. À partir du moment où il arrive. Et où là, c'est beaucoup plus sordide, il est dans un appart miteux. Il y a pas mal de personnages secondaires qui reviennent régulièrement et qui sont un peu attachants aussi, genre les trois petites filles qui font de la corde à sauter. Mmh. Et sauf que tu sens bah, que c'est pas le même monde. Et c'est là que je trouve ça intéressant. T'as la belle vie à Jody, l'idée d'un passé qui était bien, mais il était bien pour ceux qui étaient intégrés à la société. Pour les autres, c'était catastrophique. Voilà. Évidemment, ses secrets vont finir par lui poser problème. Oui, parce que le fait qu'il n'ait pas de passé, bah, ça finit par intriguer les gens, finalement. Déjà ça, et puis il va se faire repérer, notamment par Sadie, qui va l'entendre chanter alors Honky Tonk Woman, des Rolling Stones, qui est une bonne chanson, mais qui parle effectivement d'une prostituée. Voilà, donc ça ne passait pas à la radio à l'époque. À l'époque, ça passait pas à la radio, puis à l'époque, la chanson n'existait tout simplement pas. Oui, bon, ça, à la limite, il aurait pu le justifier oui, en disant « c'est un chanteur local », mais bon, là, le thème passe pas. Et donc, sa mission va commencer à mettre en danger sa relation avec Sadie, et les deux vont de plus en plus se mélanger. Et ça aussi, c'est plutôt réussi, pour ça va l'amener même à avoir des doutes, à un moment se dire « non, mais j'en ai rien à faire, en fait, de l'histoire avec un grand H, moi, ce qui m'intéresse, c'est ma relation avec Sadie, je veux la protéger, et je veux pas retourner, en fait, dans le présent. » Oui, parce qu'il est vraiment en train de se faire une belle vie, en fait, ouais. tout simplement. Autour de Sadie, il y a tout ce qui concerne son ancien mari, aussi. Oui. qui était un bon psychopathe sur les bords. Ouais. Hein, on en reviendra parce que ce sera l'une des scènes comparatives dont on abordera plus tard, mais effectivement, ça dit un passé sombre, avec un mari violent plus sur le plan, enfin en tout cas dans le roman, violent plus sur le plan psychologique que physique, alors que dans la série ils ont pris le parti d'aller dans l'autre sens, ce qui est peut-être un peu dommage d'ailleurs, on y reviendra ça aussi. Mais oui, il y a effectivement tout ça qui arrive, et aussi du côté de l'espionnage de Harvey Oswald, il y a aussi l'arrivée du coup de Moranchild. Oui. Qui, dans ses premières apparitions, on nous laisse quand même le doute hein, sur est-ce qu'il serait pas lié finalement, est-ce que ça serait pas effectivement comme par moment le roman nous le dit, est-ce que ça serait pas lui l'arme, tu vois Oui, bah oui, on peut. Est-ce que ce serait pas lui l'arme et Oswald de la balle. Et lui aussi, c'est un personnage assez, assez profond, finalement, ouais. De Moranchild. C'est autour de, bah, du mari de Sadie et de Sadie elle-même que tourne tout le propos autour de la peur du nucléaire, parce que quand vient la crise des missiles de Cuba, à eux, ils connaissent pas l'avenir, donc forcément, ça les terrifie, ouais. L'idée d'une guerre nucléaire qui peut se déclencher à n'importe quel moment. Et puis lui, là, totalement où, parano. Là où Jake, il sait que ça n'a pas eu lieu. Et donc c'est une des raisons, il était déjà bien attaqué avant, mais de la parano de Johnny, qui va donc le pousser à attaquer Sadie. Et on peut se dire que là aussi c'est le passé en fait qui met des bâtons dans les roues de Jake, parce qu'il va attaquer Sadie le jour de l'attentat prévu contre le général Walker. Oui, c'est totalement ça. Donc l'attentat de... enfin la première tentative de meurtre de Lee Harvey Oswald. Et c'était là que Jake avait prévu de vérifier s'il tente tout seul l'attentat, ça ne confirmera que c'est lui le seul assassin, et donc je peux l'abattre largement avant qu'il ne s'attaque à Kennedy. Sauf que, obligé d'agir au dernier moment. Sauf que Sadie se faisant attaquer, il ne peut pas être sur place. Voilà. Et donc il n'est pas sûr, en fait, tout simplement, que Oswald soit tout seul pour commettre le futur assassinat de Kennedy. Ouais. Du coup, l'intervention est repoussée. Et donc après, bah, de plus en plus, Sadie va être impliquée dans... dans l'assassinat, là le rythme va de nouveau s'accélérer, on va retourner vers le thriller politique. Il y a cette dimension très réussie où plus on approche de l'attentat, plus en fait le passé va l'agresser. Alors ouais. Dans un premier temps, via des paris qu'il place, et il va se faire tabasser par des mafieux en fait, qui n'aiment pas tellement qu'il gagne tant d'argent. Et évidemment, il gagne plus ses paris vu qu'il sait, il connaît les résultats. Très almanach des sports de... De retour dans le futur. Dans le futur, ça. Tout ça, totalement. Mais tu vois, je trouve que ces interventions du passé, en fait, même si King ne parlait pas d'interventions du passé, ça serait des événements qui pourraient se produire de manière logique, en fait. Oui. Parce que oui, effectivement, faire des gros paris comme ça, ça met un petit peu les nerfs aux bookmakers de l'époque, et bah oui, tu peux finir avec les genoux en morceaux, quoi. Ouais, oui, il y a une logique, c'est des accidents qui pourraient sembler crédibles, sauf oui, voilà. Qu'ils arrivent toujours au moment où c'est opportun, voilà. Pour que le passé ne bouge pas. Donc forcément, pour Jake, c'est une intervention du passé, mais ça pourrait tout simplement être un événement, bah voilà, la faute a pas de chance, ouais. C'est maintenant que ça arrive, bah tant pis. Et donc finalement, bah, l'assassinat de Kennedy, après une journée difficile, pleine d'accidents, il va bien réussir à l'éviter. Ouais. Lee Harvey Oswald va se faire abattre par les gardes du corps de Kennedy, sauf que Sadie va mourir dans l'intervention. Après une balle qui était destinée à Jake. Voilà, c'est ça. Et c'est là que ça, bah, que ça l'amène à son dilemme, à savoir il veut lui tout remettre à zéro. Tant pis, Kennedy, au pire on recommence, ou au pire on le sauve pas, mais il veut vraiment sauver Sadie. Sauf que c'est là que revient un personnage qui était un peu secondaire pour le moment, qui passait juste pour le tarif de service, Carton c'est jaune. Carton Jaune. Alors, je vais essayer de nous dire qui est Carton Jaune. Carton Jaune qui entre-temps était devenu Carton Orange, puis Carton Noir. Oui, et puis, Carton Mort, au moment où il était Carton Noir. Carton Noir, voilà, quand il était mort, et la fois où on le revoit à la fin du roman, c'est Carton Vert. Hein. À ne pas donc confondre avec Carte Verte, Carte Noire, hein, qui est du café. Exactement. Qui est un personnage très énigmatique, en fait, c'est la première personne que Jake croise à chaque fois en fait qu'il fait un saut qu'il retourne dans le passé en septembre 58. Et très tôt par contre, même Hal le dit, Carton Jaune semble connaître des choses à propos du passé. Il semble avoir un lien entre lui et le passé, mais il sait pas trop si est-ce que c'est parce que il a vraiment un lien ou est-ce que c'est parce qu'il traîne toujours pas trop loin de la du tarier de lapin, donc comme ils appellent la brèche. Est-ce que c'est parce qu'il est pas trop loin de ça, ce qui le rendrait totalement fou en fait. Ouais, il a l'air en fait d'avoir une conscience que le passé se reset très régulièrement et que voilà. Donc, il existe plusieurs versions. Parce que clairement, quand il voit Jack, il lui dit qu'il a rien à faire là en fait. Donc il semble comprendre que Jack vient d'ailleurs. Et du coup, à la fin, tout simplement, on nous apprend qu'en fait, il n'y a pas qu'un seul carton jaune. En fait, c'est plusieurs personnes qui sont... Alors, je trouve que c'est pas très clair. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que c'est plutôt bien amené. Est-ce que ce sont une espèce de groupuscule de gens, tu vois, qui semblent surveiller les timelines et l'utilisation des sauts temporels, ou est-ce que ce sont juste des gens un peu fous qui eux-mêmes, et ça c'est plutôt dit dans la série télé, ont eux-mêmes essayé de modifier le passé. Ça c'est plutôt ce que veut nous faire croire la série. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu plus la première option dans le roman. Dans le roman, ça a l'air d'être plus la première option. Mais que eux-mêmes ne connaissent pas tout, voilà. Qu'ils doivent avoir qu'ils sont un peu envoyés au casse-pipe en fait. C'est ça, parce que on nous fait bien comprendre qu'en fait à chaque fois que quelqu'un fait un aller-retour, mais sans réeffacer en fait, c'est surtout ça. Sans réeffacer, ça les fait sombrer dans la folie. En fait, ça crée dans leur tête une nouvelle réalité. C'est comme s'ils avaient toutes les réalités en même temps. Une nouvelle corde. Il y a la métaphore des cordes, effectivement. Et comme s'ils avaient tout ça tout le temps en tête. Et la couleur de leur carton sur leur chapeau, en fait, est liée à ça. Ça commence au vert et plus ils sont dans la folie, plus on se dirige vers le rouge et le noir. C'est quand ils en viennent à se suicider tellement ils n'en peuvent plus. Voilà, parce qu'en fait, du coup, King prend la théorie... parce que donc, dans le voyage dans le temps, il y a deux théories. Il y a la théorie du... Si tu modifies le passé, ça modifie le futur, enfin ça modifie le présent, et donc du coup c'est tout. Tout ce qui a été fait après est balayé et basta, c'est une nouvelle histoire qui se forme. Mmh. Ou la seconde théorie. Qui est la théorie auquel croient Jake et Hal au départ. Voilà, sauf qu'en fait, la véritable théorie, donc c'est la théorie de l'univers Marvel par exemple, pour citer un autre gros univers littéraire. Ouais, je lis pas des BD. qui est que. Si tu modifies le passé, en fait, ça crée une nouvelle timeline. En fait, toi, ton époque avec, tout simplement, l'assassinat de Kennedy, lui, a lieu dans notre monde. C'est juste que, du coup, Jack, lui, évolue dans une toute nouvelle timeline où l'assassinat n'a pas eu lieu. Du coup, c'est ça, la théorie du voyage dans le temps et de la modification du passé que King opte pour son roman. Sauf que, tous les personnages... Il n'y en a qu'une minorité qui ont conscience qu'il y a plusieurs timelines, parce que pour tous, c'est leur timeline qui s'est créée. Voilà. Il n'y a que quelques personnages qui sont un peu à la frontière et qui vont avoir conscience de différentes, voire de toutes, les timelines qui se créent. Et d'ailleurs, l'explication de King est très logique. C'est parce qu'à un moment, justement, c'est Carton Vert qui lui dit, mais à ton avis, si tu reviens dans le passé avec un objet du passé et qu'après tu refais un reset, l'objet, tu l'as toujours. Donc ça sous-entend que effectivement la corde que t'as, la corde dans laquelle tu es une nouvelle corde. Ce qui est signalé très tôt, hein. Jake le signale très tôt, cet incident-là, mais il l'évacue en disant c'est un paradoxe temporel. C'est mais en même temps ça passe, parce que les paradoxes temporels, effectivement on n'y comprend rien. Souviens-toi, c'est même Hal, parce que Jake lui dit mais si ça reset, comment tu fais pour conserver la viande? Et elle lui dit il sait pas. Ouais. Il sait pas, il a jamais compris, puis il a jamais cherché à comprendre finalement. Mais oui, très très tôt dans le roman, en fait, ce paradoxe est mis en place. C'est juste qu'en fait, il est réutilisé brillamment à la fin. Ouais. Tout simplement. Ceci dit, ça m'arrange que tu parles de Marvel, parce que j'avais une question, j'avais oublié. Quand il arrive en 58, il voit des comics Marvel sur un affichage. Il y a notamment du Captain Marvel. Et c'était qui, Captain Marvel, à l'époque? Du coup, c'était pas Carol Danvers. Je me doute. Ouais. C'était un cri qui s'appelait Mar-Vel. Mar-Vel. C'est parce qu'il parle fort que c'est un cri. Non, c'est juste la race de son espèce extraterrestre. Cri KR2E. Ouais. Il y a une race parallèle, c'est les SOS, tous les cris SOS. Oh putain. D'accord, et c'est un personnage qui existe encore, lui, Mar-Vel? Celui-là, non. Enfin, oui et non. Tu sais. C'est toujours compliqué. C'est les univers parallèles. Pose une question simple et c'est tout de suite le bordel. Les univers parallèles, tout ça. Le vrai Captain Marvel est mort. Il est même mort d'un cancer dans un magnifique comic qui s'appelle La mort de Captain Marvel, où en fait les héros sont impuissants parce que lui meurt d'un cancer et ils sont tous impuissants. Et donc il y a toute cette remise en question de l'héroïsme. Putain, on passe notre vie à sauver des gens alors que on n'est pas capable d'éradiquer des maladies comme ça. Il y a tout ce questionnement dans ce comics-là qui est vraiment bien amené. C'est un très très bon récit, la mort de Captain Marvel. Mais du coup, le personnage est revenu, mais d'un univers parallèle. D'accord. Et ça a été très très mal accueilli justement par les lecteurs qui ont dit « Arrêtez de faire revenir des personnages qui ont connu des morts... ultra bien écrite, quoi. Il faut arrêter parce que du coup ça gâche un peu. Ouais, ça peut se comprendre. Ça gâche la maestria de la mort du personnage, tu vois. C'est comme si un jour Marvel fait revenir Gwen Stacy, ça va hurler dans les chaumières, ça va hurler partout. Ça m'étonnerait quand même. Ouais, ça m'étonnerait. Ils peuvent c'est pas. Vraiment ancré maintenant qu'elle est mortelle. Tu vois, c'est comme faire revenir l'oncle Ben, ça serait un scandale. Mm-hmm. Parce que c'est des morts de personnages qui ont tellement eu d'importance pour les personnages centraux des séries dans lesquelles ils sont morts que tu peux pas. Tu peux pas. Si l'oncle Ben revient, c'est quoi l'intérêt pour Peter d'être Spider-Man ? Ouais, c'est ça, il n'y a plus vraiment de Spider-Man sans l'oncle Ben. Voilà. Et c'est pareil pour Gwen, ça a tellement fait évoluer son personnage, son décès, que... Et puis ça s'attriste pour Mary Jane, quand même, merde. Ouais, non, mais je suis assez d'accord. Il y a des morts qu'il faut peut-être assumer. Voilà. C'est quelque chose que Marvel et DC, à parce que eux aussi, quand même, les morts qui ressuscitent, ils en ont beaucoup chez eux aussi. C'est quelque chose qu'ils ont tendance à oublier, les deux. C'était le parallèle comics. Et donc, pour en revenir au roman et donc à sa fin, parce que quand il retourne dans le présent, donc après avoir sauvé Kennedy, il se rend compte que c'est, comme il le disait dans son projet initial, que c'est devenu un enfer nucléaire. En fait, l'histoire a totalement dégénéré. C'est Mad Max. Oui, c'est ça. Ouais. C'est Mad Max, mais sans les grands déserts australiens. Ouais. que Kennedy a pas pu faire de si bonnes choses que ça, au final, qu'en fait, il faut pas jouer avec l'histoire, et que la réalité est vraiment en train de se déchirer, littéralement. Et du coup, c'est intéressant, parce que c'est pareil, il y a un long chapitre où il est en pleine discussion avec Harry, parce que c'est, en fait, il sauve une personne dans la rue qui se fait agresser par 3 ou 4 jeunes, et en fait, cette personne en fauteuil roulant, c'est Harry. Donc, souvenez-vous, le concierge du lycée dans lequel il travaille au tout début du roman, celui qui a écrit la dissertation sur le jour qui a changé sa vie. Et en fait, il le retrouve en fauteuil roulant, et du coup, il explique que finalement, il a été au Vietnam, que alors que la politique de Kennedy, qui était de calmer un petit peu les choses au Vietnam, du coup, ils se sont tous retranchés à Saigon, mais que malheureusement il y a quand même eu une attaque et que au lieu d'y mourir comme ça aurait dû être le cas dans un des précédents voyages dans le passé de Jake, là Harry finit uniquement en fauteuil roulant. Et donc c'est là, en gros, Harry lui montre les séquelles qu'il a eues d'une agression précédente par les bookmakers, qui lui montre en fait des cicatrices à la tête, il lui fait croire qu'il a totalement perdu la mémoire, chose qui est vraie, il y a un chapitre entier dans le roman où il a perdu la mémoire et où il cherche à s'en souvenir. C'est peut-être même l'un des chapitres les moins puissants, intéressants du roman, je trouve. Moi, je trouve qu'il marche un peu. Il y a des trucs dans ce chapitre que j'aime bien. Je le trouve un peu longuet. Oui, peut-être. Voilà. Le chapitre est bon, mais je le trouve un peu longuet. Mmh. C'est peut-être le passage le moins intéressant, j'ai trouvé. Mais donc, du coup, il demande à Harry, qu'est-ce qui s'est passé ? Vraiment, il joue la carte du « j'ai tout oublié ». Il joue la carte du « tout ce que je me souviens ». C'est la tentative d'assassinat de JFK, maintenant raconte-moi ce qui s'est passé après. Bon, Harry est un peu bonne poire, il y croit, il lui dit bon d'accord, je vais te raconter, alors que personne n'y aurait cru. Ouais, il y croit qu'à moitié, hein, oui. C'est juste que l'autre vient de lui sauver la vie. Donc, il y a aussi voilà. Ça, ouais. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, King reprend des parties de l'histoire de l'humanité qui se sont réellement passées et qu'il les modifie à la sauce post-apo, en fait, tout simplement. Mm. Et je trouve tout ce chapitre super intéressant de réécriture en fait de l'histoire et toutes ces réécritures qui conduisent à un futur où l'humanité est perdue, parce qu'en fait il y a eu des guerres, nucléaires, le Maine n'appartient plus aux États-Unis mais appartient au Canada, c'est totalement parti en vrille cette histoire. Ils sont peut-être gagnants là-dessus, mais... mais le chapitre est très intéressant. Mm. Ça renvoie aussi à tout ce qui est écho du passé. Très régulièrement, Jake remarque qu'il y a des échos dans le passé, des références à des gens qu'il a connus, des événements qui se repassent, qui se répondent les uns les autres, il y en a vraiment de partout. Des noms qui se ressemblent. Le nom de Jim là qui revient tout le temps, des noms qui se ressemblent. Bah Sadie, c'est Sadie Dunhill, alors que c'était comment ? Il y a un personnage qui a à peu près le même nom. Ouais. Bah, Harry Dunning. Ouais, c'est ça. Harry Dunning et Sadie. Ça le fait avec son second prénom notamment. Il dit également que finalement il y a beaucoup de George dans cette histoire. Oui. Parce que lui se fait baptiser George Anderson. Il y a George George Epping. Ah oui, non, c'est Jake Epping. C'est Jake Anderson. Lui, c'est George Anderson. Mais il y a George de Morenshide. Il y a le George des souris et des hommes. Ouais. Il y a beaucoup de personnages qui portent ce prénom. Lui-même, au moment, tilte sur ça. Et ça donne l'impression que moi, je l'ai interprété comme le passé qui essaie de se reconstruire. Oui. Et qui n'y arrive pas. Et qui bug, en fait, parce que des trucs ne se sont pas passés comme il aurait dû se passer. C'est que finalement, c'est comme un programme informatique qui part en couille parce que tu as modifié le code, alors que tu n'aurais pas dû. Et donc, à la fin, c'est Jake qui hésite beaucoup. Parce que, à la limite, il hésite même pas tant que ça sur Kennedy. Non. Il hésite sur Harry. Il hésite pas à repartir. Oui, il retourne dans le passé, mais il hésite sur Harry. Est-ce que je sauve Harry ? Ouais. Qu'est-ce que je fais pour la petite fille qui va devenir paraplégique ? Parce qu'en fait, c'est là où il prend conscience du papillon qui bat des ailes et qui modifie tout, en fait. Ouais. Du battement d'ailes du papillon, comme c'est dit dans le roman. C'est là où il prend conscience de ça et où, du coup, certes, il retourne... Alors, à la base, il retourne dans le passé pour Risette. Parce que le monde qu'il a créé, il n'en veut pas, et personne n'en voudrait, finalement. Oui. Et du coup, il se met à réfléchir à ce qu'il veut voir Sadie. Il réfléchit que ça pourrait amener à d'autres situations dramatiques. Déjà, rien que sur l'histoire de l'ex-mari et tout, il ne sait pas si... est-ce que ça serait sa présence, finalement, qui aurait créé ça ou pas. Et après, le moindre fait et geste le fait réfléchir. Et à un moment, il se dit, est-ce que si je sors acheter un manteau, est-ce que finalement, ça ne va pas modifier, lui aussi, le futur et tout faire repartir en vrille ? Il y a un gros questionnement en fait sur ça, sur l'avant-dernier chapitre. C'est ça, mais en même temps, il sait pour Harry, il sait pour et sa famille, et il sait pour Caroline, la petite fille qui va devenir paraplégique. Et il se dit, si j'agis pas, c'est comme si je l'ai tué moi au final, parce qu'en plus, c'est moi qui suis retourné dans le passé, donc qui est éliminé leur survie justement. Il y a tout ça. C'est vraiment très intéressant en fait comme remise en cause du personnage principal. Mais finalement, il va décider de ne pas modifier quoi que ce soit, de retourner dans le présent et de... Pour que le reset ait lieu. La baraque, elle est morte, sa baraque est détruite, donc a priori, la bulle qui permettait d'accéder au passé est détruite au passage. En se promettant de ne plus se renseigner, il vérifie juste que Sadie a survécu à son mari, ce qui est le cas. Ce qui est le cas. L'agression a quand même eu lieu. Ouais. Dicky est intervenu. Ouais, du coup, la résolution est assez proche, en fait. Voilà, en fait, il serait intervenu. C'était pas lié à Jake, forcément. Mais il va pas réussir à tenir sa promesse à cause d'une ancienne... Enfin, à cause. Il va voir une nouvelle élève qui, en fait, vient de ce coin-là, de Jody, par sa mère, donc qui lui donne vraiment trop envie d'y retourner. Et il va arriver pour une sorte de jubilé en hommage à Sadie. Il va apprendre qu'il y a ça et il va y arriver. Et danser une dernière fois avec elle, qui maintenant a 80 ans, évidemment, a une belle vie, et qui a l'impression de le reconnaître, et il danse sur la chanson In the Mood de Glenn Miller, qui est revenue plusieurs fois dans le roman et qui est un peu leur chanson. La fin est très jolie, la fin du roman est très très belle. Donc une très très belle chanson, une très très belle fin, pardon, une fin douce amère, pour une chanson qui apparaît pour la première fois au moment avec. Dans les friches, d'ailleurs, je crois. Oui, mais en fait, c'est une fin de doux amère uniquement pour lui, uniquement pour Jack, parce que tous les autres personnages ont vécu une vie plutôt satisfaisante quand tu vois tout le déroulé. Bah, mis à part, du coup, Harry qui a quand même vu toute sa famille mourir. Oui. Mais bon, bah... Oh, ça arrive, c'est bon, on va pas chialer. Ça dit, quand tu la vois, au final, elle a eu l'air d'avoir une vie plutôt bien remplie en tant que bibliothécaire. Elle est aimée de Jody, parce que à la fin, là où il la retrouve, c'est pendant une commémoration au lycée qui est pour elle, tout simplement. Donc elle est encore très aimée des siens, et voilà, on apprend que du coup Dick est mort, forcément. Oui, bon, il était déjà vieux, donc voilà, il est mort de vieillesse, voilà. Il me semble que lui aussi s'est dit clairement qu'il a eu quand même une vie bien remplie. Ouais. Donc oui, la fin est douce amère uniquement pour le personnage principal, mais qui en fait quand même dans le fond se satisfait déjà de l'histoire qu'il a connue avec elle, même si au final il n'y aura pas de conclusion, mais il s'en satisfait, il se souvient des bons moments, voilà, moi je trouve la fin très jolie. Il a l'air d'avoir retrouvé une forme de tranquillité dans son dans sa vie. Oui. Dans, en bougeant totalement, il abandonne tout derrière lui, il n'emporte que le chat. Et, oui. Et il refait sa vie. Il le dit dès qu'il a fait le reset, il est retourné donc à Lisbon Fall, là où il vivait, il a embarqué son chat, ses affaires, il s'est barré. Et à la fin, bah voilà, on peut se dire, dans cette dernière danse, que ça va lui permettre un nouveau départ aussi. Donc oui, une très belle fin. Oui, parce qu'attends, je précise, on dit qu'il est revenu, une fois le reset fait, il est revenu à Lisbon Fall et il a pris son chat. Parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas précisé, c'est que quand tu reviens du passé, il ne s'est écoulé que 2 minutes. Hein. Ah oui. On ne l'avait pas précisé ça au début. Mais t'as beau rester 10 ans dans le passé, il ne se passera que 2 minutes dans le présent. Effectivement, oui. On avait oublié ce détail qui est un peu important. Effectivement. Mais donc voilà, c'est un très très bon roman, très bonne gestion du rythme et des évolutions du rythme, de tous les genres qu'il traite. Vraiment, la partie thriller, on en a moins parlé au final, mais où il surveille Lee Harvey Oswald, moi je la trouve très efficace. Ouais. Toute la partie romance, parce que à chaque fois que je vois des fiches, des descriptifs de ce roman, à chaque fois, personne ne parle de la partie romance, alors que pour moi, c'est plus un récit de science-fiction romance que vraiment du thriller, quoi. Ouais, parce que Sally est un personnage très très bien écrit et très attachant. Ouais, c'est vraiment un personnage central. C'est grâce à elle que le personnage ne fait qu'évoluer. C'est-à-dire, à un moment, il y a un moment dans le roman où il veut arrêter. Il y a un moment où il veut mettre fin à cette quête de sauver Kennedy, et c'est elle qui le pousse. Oui. Elle lui a appris des choses, et donc elle le pousse à le sauver. Voilà. D'ailleurs, à la fin, il y a beaucoup de personnes de son entourage sont au courant du voyage temporel, parce que Dickie aussi est mis dans la confidence, voilà. Oui, mais moins que dans la série où ça vient beaucoup plus vite et où c'est moins bien géré, je trouve. Dans la série, c'est beaucoup moins bien géré, mais on va y arriver d'ici quelques petites minutes. Et donc voilà, un roman très riche, un roman qui fait passer par beaucoup d'émotions, par beaucoup d'étapes, et qu'on vous conseille vraiment tous les deux. Ah oui, clairement. 22-63, foncez. Yes. C'est du grand King. On passe à la série ? Allons-y. Ben, je vais te dire un truc qui va te paraître complètement barge. Je veux que tu entres dans ce placard et jette un coup d'œil autour de toi. Je te raconterai toute l'histoire. Tu veux que j'entre dans ce placard ? C'était le 21 octobre de l'année 1960. Je veux que tu retournes dans ce placard et que tu empêches l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Carte de sécurité sociale, acte de naissance, carte de crédit. Tu as tout ce qu'il te faut pour trouver un travail et te fondre dans le décor. Et tu dis bien les documents. Tu dois te préparer à ce qui va arriver. Il y a une théorie qui dit qu'Oswald a tenté d'assassiner un autre homme avant de tirer sur le président Kennedy, un homme politique, le général Walker. On doit découvrir à quel moment il va commencer à parler du général Walker. Et surtout, avec qui il en parla. Peut-être le point de départ de toute l'affaire. Ça peut aussi bien être un tireur d'élite de la CIA armé du fusil de Lee. Peut-être envoyé par les Russes. Je sais pas tout. C'est ça qui me fait peur. Les droits du roman sont une première fois achetés assez tôt, en fait en août 2011, donc avant sa sortie, même s'il était déjà annoncé. Et à l'époque, le réalisateur, c'était pour le cinéma, à l'époque, dans le projet, et le réalisateur envisagé, c'est Jonathan Demme. Donc réalisateur, on va dire qu'il y a deux films connus et qui sont un peu vieux maintenant, c'est Le Silence des Agneaux et Philadelphia. Mais qui sont quand même d'excellents films. Oui, qui sont deux excellents films. Voilà. J'entends assez peut parler de Philadelphia, j'ai l'impression, oui, donc qui a des défauts vis-à-vis de la représentation de l'homosexualité comparée à aujourd'hui, mais pour l'époque, je trouve qu'il était vraiment bien fait. Oui. Et puis Tom Hanks, c'est très bien, non ? Ah, puis oui, hein, Tom Hanks, Denzel Washington. Oui, c'est Denzel Washington. Oui, c'est Denzel Washington qui joue l'avocat. Le duo est incroyable. Le duo est incroyable. Oui, le message est... Enfin, c'est pas le message qui est douteux, c'est la représentation qui est un petit peu plus maladroite que douteuse, d'ailleurs. Oui, c'est ça, c'est parce que c'est les années 90, c'est pas la même... Enfin, je trouve... Ça fait partie de ces films où je me dis, malgré les défauts dans la représentation, ça avait que de la bonne volonté. Voilà. Et vraiment, c'est pas non plus rédhibitoire. En fait, c'est ça. C'est à partir du moment où tu sens que c'était fait vraiment... ça partait d'une très bonne volonté, Et le message, lui, par contre, le message reste bon. Du coup, c'est excusable. Mais du coup, ce premier projet ne marche pas, en fait. C'est Jonathan Demme qui annonce fin 2011 qu'il n'est plus impliqué sur le projet parce qu'ils n'ont pas réussi avec King à décider de comment adapter le roman, de ce qu'il fallait garder, de ce qu'il ne fallait pas garder, de comment on fait un film à partir d'un roman qui est effectivement assez massif. Ah oui, c'est colossal. En film, c'est casse-gueule quand même. Ouais. Mis à part faire du coup des films en plusieurs parties, mais à l'époque c'était pas tant la mode que ça. Soit ça, soit vraiment totalement négliger toute la partie romance et se concentrer sur le pur thriller, donc changer totalement le projet. C'est ça. Ça aurait été possible à la limite. Assez rapidement tout de même, en avril 2013, on annonce qu'il y a une association entre Warner Bros. Television et Bad Robot Production, la société de production de J.J. Abrams, pour faire une mini-série, cette fois-ci, autour de 22-11-63. La showrunner qui est choisie, c'est Bridget Carpenter, qui avait déjà écrit sur des séries comme Friday Night Lights ou Parenthood, apparemment toutes les deux assez populaires au moins aux États-Unis, mais qui a aussi fait beaucoup de pièces de théâtre. Assez vite, elle, une de ses premières décisions, ça va être de développer le personnage de Bill Turcotte, qui est vraiment secondaire dans le roman, on l'a même pas évoqué d'ailleurs, en fait, c'est l'ancien beau-frère du père d'Harry Dunning, qui est convaincu que le père a tué sa sœur, en fait. Et a fait sa sœur et son neveu, et a fait disparaître... Voilà. Sa sœur et son neveu. Et a fait disparaître les corps, donc... qui veut tuer le père Dunning lui-même, mais qui n'ose pas agir, et donc il va un peu bloquer Jake dans le passé. C'est un personnage très secondaire, il est juste là pendant la période d'Harry, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Et Bridget Carpenter va le développer et en faire le complice de Jake, afin qu'il ait quelqu'un avec qui communiquer pendant les scènes d'espionnage, qu'il ne soit pas tout seul à sa fenêtre, et quelqu'un qui puisse aussi s'occuper de l'espionnage pendant que lui est à Jodie. C'était pas forcément une bonne idée. On y reviendra, je suis mitigé aussi sur cette idée. C'est un moyen donc d'exposer sans utiliser les voix off, les pensées des personnages, et King était plutôt enthousiaste face à cette idée quand on l'entend en interview. King n'a pas toujours des bons avis en ce qui concerne les adaptations. On est d'accord. C'est Carpenter qui établit le plan complet de la série et de la progression des épisodes, même si d'autres scénaristes vont intervenir pour écrire des épisodes particuliers, à savoir Bridget Hales, Quinton Peoples, Joe Henderson et Brian Nelson. Joli, bien placé. La série est achetée par Hulu en septembre 2014. Au casting, dans le rôle principal, on va avoir James Franco, qui en fait avait voulu acheter les droits de la série après lecture du livre. Donc James Franco... Ouais, il est dans le projet de... ouais. Très très tôt. En fait, tel qu'il le raconte. De manière inattendue, James Franco, c'est un diplômé en littérature anglo-américaine. Oui, ça j'étais au courant. Moi je savais pas. Mais en même temps, c'est vrai que beaucoup de ses films sont des adaptations de classiques de la littérature américaine. Et en fait, il sortait de l'obtention de son diplôme et donc il avait passé un long tunnel à lire que des classiques pour ses cours. Et du coup, quand il était tombé sur 22-11-63 dans un aéroport, il l'avait pris et il avait adoré relire un truc pour le plaisir et relire du King. Et il avait voulu acheter tout de suite les droits. Puis oui, quand tu passes des grands classiques de la littérature américaine à du roman science-fiction contemporain, c'est la bouffée d'air frais. Ouais, voilà, c'est ça. Il se renseigne, mais les droits sont pas dispo, ils sont déjà achetés par Abrams, et du coup il écrit un article sur son affection pour le livre et sur son message, et sur sa déception de ne pas avoir les droits. Il dit J.J. Abrams fera peut-être du bon boulot, mais ça me fait chier quand même, sur ce coup-là. Et au final, on décide de le contacter lui, après tout il est acteur aussi, donc Abrams décide de le contacter, il accepte en échange du droit de réaliser un épisode, et il réalisera effectivement l'épisode 5, celui de la prise d'otage de Sadie. Oui. Et il a un statut de producteur aussi. Oui. James Franco, c'est quelqu'un de très actif en tant qu'acteur et réalisateur, il a adapté Faulkner par exemple. Moi, j'avoue que j'ai pas vu trop ce qu'il a réalisé. Je le connais plus en tant qu'acteur. Ouais, dans les Spider-Man de Sam Raimi, dans Milk de Gus Van Sant, dans 127 heures de Boyle. Et je sais pas pourquoi, même avant qu'il y ait des révélations autour de Me Too pour abus sexuel, il me mettait un peu mal à l'aise, moi, James Franco. Ouais. Je sais pas pourquoi. J'adhère. Il est bien dans ce dans quoi je l'ai vu, mais j'arrive pas à aimer James Franco. D'accord. Alors que oui, c'est pas fondamental. Foncièrement, c'est pas un mauvais acteur. Bah ouais, j'ai pas grand chose à lui reprocher, vraiment. Je sais pas, il y a un truc qui me gêne chez lui, et j'arrive vraiment pas à mettre le doigt sur ce que ça peut être. Moi, tout ce qui me gêne chez lui en tant qu'acteur, c'est qu'il a tendance, des fois, à cabotiner un peu. Ouais, mais ça me gêne même pas forcément, tu vois. Et dans 2263, il joue plutôt bien, hein, oui. On y reviendra. À chaque fois que je le vois en tant qu'acteur, j'ai rien à lui reprocher, parce que 1000 et 127 heures, pardon, c'est des films que j'aime bien, vraiment. Et les Spider-Man de Sam Raimi, mais il est plus secondaire. Donc. Voilà. Je ne l'ai pas vu encore, 127 heures, et le Blu-ray est juste devant moi à l'heure où je vous parle. Il est juste là. C'est pas le meilleur Boyle, mais c'est bien. Bah, attends, est-ce qu'il y a des mauvais films de Danny Boyle? À part La Plage. Ah oui, c'est vrai. Il y a quand même la Plage, c'est difficilement défendable quand même. Tain, à chaque fois, mon cerveau oublie La Plage. c'est vrai qu'il a quand même une filmo solide. Oui, quand même. Dans le rôle de Sadie, on a Sarah Gadon, qui était apparemment très contente de travailler avec J.J. Abrams, dont elle aime beaucoup le boulot. En début de carrière, elle avait joué des rôles secondaires dans 3 Cronenberg d'affilée, donc A Dangerous Method, où elle joue la femme de Jung, elle joue Emma Jung, Cosmopolis, où elle joue la femme du personnage de Pattinson, et Maps to the Stars, où elle joue le fantôme d'actrice de l'âge d'or décédée. Exact. Oui. Toujours Dangerous Method, vous pouvez faire l'impasse dessus, les deux autres sont géniaux. Ouais. On l'a déjà dit plusieurs fois, mais ça ne coûte rien de le rappeler. Alors pour Maps to the Stars, parce que moi, Cosmopolitan, je n'ai toujours pas vu. Cosmopolis Cosmopolis, je n'ai toujours pas vu. Il faut vraiment que tu le vois. En plus, c'est une très très bonne perf de Pattinson. Mais je sais bien, il faut trouver le temps. Et elle a aussi joué en début de carrière dans un film du fils de Carpenter, Brendan, que je n'ai pas vu. Donc, je ne saurais pas dire ce que ça vaut. Elle a joué dans le seul film de Aja que je n'ai pas vu, La 9e ville de Louis Drax. Ah oui, je ne l'ai pas vu non plus. Dans Ennemi de Villeneuve, que je n'ai toujours pas compris, mais c'est bien. Elle joue la femme du personnage principal. Ouais. C'est un film relativement cryptique, mais vraiment, j'aime beaucoup Ennemi. Un peu trop cryptique à mon goût, mais c'est pas un mauvais film, mais... Ah, moi j'aime bien cette ambiance. On a l'impression un peu d'être dans un rêve malsain, où on comprend pas tout. J'aime vraiment beaucoup Ennemi. Moi, mon reproche de Ennemi, c'est que le film n'est vraiment pas clair, quoi. Ah oui, oui, clairement. Vraiment. Et à tel point qu'au bout d'un moment, ça devient un peu pénible, mais voilà. Et elle va être bientôt dans le Ferrari de Michael Mann, que j'attends plutôt impatiemment. Ah oui, exactement. Entre Michael Mann et Adam Driver. Ça fait beaucoup de raisons de bien aimer, enfin de l'attendre en tout cas. Elle a eu un petit rôle dans Castle Rock et le rôle principal dans une série, une mini-série adaptée de Captive de Margaret Atwood, qui est un très bon roman, et dans lequel Cronenberg joue. D'accord. Après, la dernière fois que j'ai vu Cronenberg jouer, c'était dans le film nul avec Christophe Lambert. Lequel ? Que des films nuls avec Christophe Lambert. Celui sur les apôtres, un espèce de thriller qui veut se la jouer Seven avec des histoires de meurtre. Résurrection. Résurrection, c'est nul à chier. Ah, c'est du bon nanar. Hein. Ah oui, c'est. Je le mets un peu dans la même catégorie que les Rivières Pourpres 2, c'est le truc qui essaie de se la jouer thriller surnaturel et c'est horriblement raté. C'était moi qui t'avais conseillé Résurrection. Je pense. Dans un cash. Ouais. Il était à 50 centimes, je t'avais dit, tiens, vas-y, c'est rigolo. Pour ce prix-là, c'est rigolo. C'est... Et c'est vrai que pour ce prix-là, c'est rigolo. C'est rigolo, mais il faut pas s'attendre à un film potable. Non, clairement pas. Bill Turcotte est joué par George MacKay, qui est l'acteur principal de 1917. Oui. Mais je l'avais pas reconnu. Un putain de film. Ouais, ouais. Sa carrière se développe, pour l'instant, j'ai pas vu grand-chose. Il a une carrière en développement, lui il est encore jeune. Sa fiche wiki est clairement faite par un fan. Hein. Ah bon ? On va la lire, c'est assez rigolo à constater. Ah, il est, il y a des compliments partout. Ouais. Lee Harvey Oswald est joué par Daniel Weber, un acteur qui n'a pas fait tant de choses que ça, alors que je le trouve excellent pour le coup en Lee Harvey Oswald. Mmh. Il a joué dans la série Punisher, il joue le rôle de Lewis Wilson, je ne sais pas qui c'est. Bah, je ne vois pas. La série Punisher, oui, donc de Netflix. Je vois pas qui c'est dedans. D'accord. Et Marina est jouée par. Marina est jouée par Lucy Fry, qui a joué dans. Qui elle aussi a une carrière en cours de développement. Et Al, enfin, est jouée par Chris Cooper, qui a eu l'Oscar 2003 du meilleur second rôle pour avoir joué dans Adaptation de Spike Jonze, écrit par Charlie Kaufman, qui est un film qui me tente depuis un bon moment. Lui, c'est un vieux de la vie, par contre. Oui, oh bah oui, oui, oui. Il a un petit rôle dans Les Filles du Docteur March, le récent, celui de... comment ? De Greta Gerwig. Oui. Il joue Norman Osborn dans le deuxième Spider-Man de Mark Webb. Ah, mais oui, j'avais oublié. Effectivement. Et lui aussi est chez Mendes, puisqu'il est dans American Beauty et Jared. Ouais. C'est et dans L'Homme pas... qui murmura à l'oreille des chevaux c'est aussi. C'est vrai qu'il n'a pas vu Jared. Oui, c'est ça. Très bien. Faut que je l'en rattrape. Carton jaune est joué par Kevin G. O'Connor. Il est dans beaucoup de Steven Sommers, dans des rôles secondaires. Oui. Dans Un cri dans l'océan, La momie, Van Helsing, et il fait un caméo dans G.I. Joe. Bon, G.I. Joe, c'est quand même relativement indéfendable. Moi, même Van Helsing, je veux bien le défendre, mais G.I. Joe, non. Bon, Un cri dans l'océan, bon... C'est un film que j'aime beaucoup. Ah, il est cool, quand même. Je l'ai revu il y a pas longtemps. Bon, c'est pas non plus un chef-d'œuvre. Mais, non, clair. Mais il a pas fait de chef-d'œuvre. Hein. Même La momie, c'est pas un chef-d'œuvre. Non, mais c'est du cinéma divertissant. Ouais. C'est dommage qu'il réalise plus rien, Sommers. Oui, par contre, oui, clairement. C'est quand même un réalisateur de divertissement solide. Ah oui, c'est solide, c'est ça, en fait. Je pense que tu lui files un petit budget, il peut te faire une bonne petite série B qui dépote pas mal. Hein. Ouais, voilà. C'est totalement ce qu'est Un cri dans l'océan. Hein. C'est ça. Et ça ferait peut-être du bien de voir des films comme ça. Ça manque. Ouais. Ça manque. En fait, c'est surtout que ça manque au cinéma, parce qu'en fait, ils existent toujours, c'est juste qu'ils sortent sur des plateformes ou directement en vidéo. Oui. Ils sortent plus au cinéma, c'est... Bah, j'ai l'impression que c'est un peu ce que voulait faire Le Dernier Voyage du Déméter, mais comme visiblement c'est très raté. Oui, voilà, c'est ça le problème. Et il a un rôle secondaire important dans There Will Be Blood aussi. C'est un film dont je suis pas si fan que ça, moi. Mais... Ouais, il a des longueurs. Ouais, je le trouve froid surtout. Je préfère les films plus chaleureux de ce réalisateur-là, donc Anderson. Oui. Donc Magnolia, Boogie Nights, et son tout dernier qui était vachement bien, Licorice Pizza. Oui, Licorice Pizza. La production designer est Carol Spear, qui est une collaboratrice très récurrente de Cronenberg. Je peux faire la liste complète, hein. Dead Zone, La Mouche, Faux Semblant, Le Festin Nu, Monsieur Butterfly, Crash, Existence, History of Violence, Les Promesses de l'Ombre, Maps to the Stars et Les Crimes du Futur, il faut tous les voir. Oui, c'est vrai, tout simplement. Tout simplement, même si Les Crimes du Futur a beaucoup divisé. Hein. Ouais, mais en fait, je comprends qu'il divise, parce que c'est un film très théorique, au final, ouais. C'est beaucoup de personnages qui parlent des implications des technologies. Ah oui, dans le fond, c'est un film qui ne raconte quasiment rien. Les oui, c'est ça, il n'y a pas beaucoup de narration. Mais moi, j'ai beaucoup aimé. Ah oui, mais moi aussi. Et je trouve que le peu de narration est excellent. On avait été le voir ensemble et l'ambiance, t'es dedans, quoi. Ouais. Puis comme c'est très bien joué, en fait, on se sent impliqué malgré le fait que, oui, c'est des discussions de théorie. Mm. Elle a aussi été production designer sur Mimic et Blade 2. D'accord, donc de Del Toro. Sur la Ligue des Gentlemen Extraordinaires et les décors sont cool, c'est le reste du film qui pose problème. Oui. Sur Pacific Rim pour revenir à Del Toro, ouais. Et sur Silent Hill qui est magnifique visuellement. Oui. Qui a Silent Hill est sublime dans ce film-là, pour le coup. Oui, oui clairement. Oui. La photo, ce sont deux directeurs photo actifs surtout à la télévision, Adam Suchitsky et David Katznelson. Le tournage se fait à partir de juin 2015 en Ontario. Une bonne partie de la série est tournée là-bas, même s'il y a des extérieurs qui sont vraiment faits à Dallas. Les réalisateurs sont James Strong, Frederick Doyle, John David Coles, James Kent, Kevin MacDonald et James Franco lui-même, comme on l'a déjà dit. La BO, elle est de Alex F., qui en dehors de ça a fait surtout des docus, des téléfilms et des séries. En film, il a par exemple fait la BO du Rite avec Anthony Hopkins, réalisé par Mikael Astrom. D'accord. Un réalisateur dont on a déjà parlé. Oui. Il a fait aussi la BO de Mandela, Un long chemin vers la liberté. De celui, le biopic de Mandela avec Idris Elba. Oui, je crois que c'est celui avec Idris Elba, ouais. Eh bien. Avec Idris Elba, il a aussi fait la BO de Bastille Day, bon, qui est moins bien. Sur 22-63, et ce que j'ai écouté de lui en général, bah, je trouve ça très oubliable. C'est pas inefficace, mais j'arrive vraiment à rien en retenir, alors que je l'ai écouté en dehors en plus. Hein, donc, et vraiment, ça m'a pas du tout marqué. Ouais. La BO, elle fonctionne pendant les moments de la série, quoi. Ouais, on peut dire qu'elle est là, mais voilà. On peut pas en dire grand-chose de plus. Je trouve qu'elle fonctionne plus sur les moments vraiment un peu d'action. Ouais, encore même là, elle est pas extraordinaire, hein. La série, elle est diffusée à partir du 4 avril 2016 sur Hulu et en France à partir du 19 janvier 2017 sur Canal. Elle est globalement bien accueillie, on souligne son ambiance, la recréation des années 60, le jeu d'acteur, surtout de Franco, et la romance au cœur du récit, même s'il y en a certains qui trouvent aussi que ça traîne un peu en longueur, mais elle est quand même très bien notée, puisqu'actuellement, elle a 4,3 étoiles sur Allociné, ce qui la place 3e de ce qu'on a fait pour le moment entre Les Évadés et Misery. Ouais. Et 83% de fraîcheur sur Rotten Tomatoes, ce qui la placerait 8e entre Sa chapitre 1 de Muschietti et 1408. On a interrogé King sur la possibilité qu'il y ait une suite, ce à quoi il a répondu que ce serait peut-être rigolo, des fois il se laisse tenter, mais que non, il ne le ferait pas, parce qu'il y a des histoires qu'il vaut mieux laisser tranquille. Et il a raison. Et il a tout à fait raison. M'accordez-vous cette danse ? Oh, je ne suis pas sûre de me souvenir des pas. Vous étiez élève ici ? Je suis enseignant. Oh, comment vous appelez-vous ? Jake Amberson. Jake Amberson. Ce nom ne m'est pas inconnu. Où enseignez-vous ? À Lisbonne, dans le Maine. Oh, vous avez fait la route depuis le Maine. J'avais des cousines qui vivaient à Lisbonne. Elles étaient très gentilles toutes les deux. Alors, qu'est-ce qui vous amène à Jody ? Vous. Oh, oh, oh, oh, vous voulez me faire marcher. Je peux vous poser une question ? Allez-y. Est-ce que vous avez eu une vie heureuse ? Eh bien, je fais des choses qui ont de l'importance. J'aime tous ceux qui font partie de ma vie. J'ai un chien. Je peux dire que j'ai connu quelques difficultés, mais oui. Oui. Je suis très heureuse dans ma vie. Pourquoi cette question ? Vous le méritez, je trouve. Et nous allons pouvoir passer à nos avis. Qu'as-tu pensé de la série 2163 ? La série 2163, elle commence très très bien. Vraiment, le premier épisode, il envoie vraiment du lourd en termes de rythme, en termes d'ambiance. Les enjeux sont vite posés. Le principe du voyage est bien expliqué aussi. Ça traîne pas en longueur. Et malheureusement, l'ensemble de la série n'est pas comme ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le rythme commence à pêcher. Des fois, ça va beaucoup trop vite. Il y a vraiment des passages entiers qui sont balayés, alors que les personnages, à plusieurs épisodes après, te parlent comme si tu les avais vécus, alors que non, c'est vraiment un vrai problème dans cette série. C'est une série, t'as l'impression, qui est faite uniquement pour les gens qui ont lu le roman. Il y a des moments où je me suis dit, attends, mais quelqu'un qui n'a pas lu le roman, il voit pas les implications qui sont en train de se passer là. Tu sens, pendant ton visionnage, que clairement, c'est une adaptation. Ce n'est pas une série qui a été pensée pour être une série télé de A à Z. Tu sens qu'à la base, ce n'est pas le format original. Le format original n'est pas la série télé. Et vraiment, ça se sent tellement que c'est un véritable problème. Bah oui, bah, à partir du moment où ça se sent, oui, c'est embêtant. Mais voilà, ça pêche par le rythme, et principalement par le rythme, parce que finalement, les acteurs, bon, il y en a beaucoup qui surjouent, mais beaucoup sont quand même plutôt bons. Je trouve que l'actrice qui joue Sadie s'en sort très bien, celle de Miss Mimi également. Oui. On l'a dit, James Franco s'en sort plus qu'honorablement. La réalisation est très lambda. J'aime beaucoup le travail qui est fait sur la lumière, avec une lumière un peu tristoune et terne quand il est dans la photo, du coup. Ah oui, la photo, oui. Avec une photo un peu tristoune et terne quand il est à son époque, alors qu'elle est vraiment accueillante quand il est dans le passé. Ouais, ils ont essayé de recréer un effet un peu pellicule qui réussit, et elle est encore plus terne pour la scène dans le dernier épisode, dans le futur apocalyptique. Ça, c'est vraiment chouette. Mais vraiment, en fait, ce qui est discutable, c'est en termes d'adaptation pure, c'est y a des choix qui sont bizarres. Mais encore une fois, c'est quelque chose que je pense que tu ne ressens que quand tu as lu le roman. Je vais te laisser donner toi ton avis à toi avant qu'on rentre plus profondément dans l'intrigue. Bah, je suis d'accord sur le fait que ça commence très bien, que le premier épisode est vraiment réussi, et limite le premier épisode en fait me fait voir ce qu'aurait pu rendre un film 2163 en rushant les choses. Ouais. Ça resserre déjà un peu le temps, il débarque en 1960 et pas en 58 dans la série, donc ça veut resserrer l'intrigue. Et peut-être qu'il aurait fallu y aller plus à fond, le faire débarquer un peu avant l'assassinat de Kennedy, vraiment genre la même année, et tout concentrer sur son arrivée, une brève période de découverte, une brève période d'espionnage, supprimer Sally, supprimer Harry, et faire juste un film thriller qui aurait été très différent, qui aurait été moins émouvant, clairement, mais qui aurait probablement tenu la route, pour ce que je trouve que c'est ce vers quoi se dirige le premier épisode, et c'est après que ça tient plus. Ça veut amener un peu tout à la fois. Mmh. Ouais, il y a des choix d'adaptation, il y en a des très réussis, il y en a des moins réussis. Le fait de, au tout début, de montrer Hal qui rentre et qui sort de la boutique, enfin de son arrière-boutique, deux minutes après en ayant son cancer, oui, alors que Jake est sur place, ça c'est très intelligent par exemple. Parce que l'autre réagit, mais qu'est-ce qui se passe ? Commencer par Harry Dunning qui lit son souvenir, ça pose un truc émotionnellement. Mmh. Faire de Miss Mimi le personnage afro-américain du film pour faire passer comme ça de la série, pour faire passer comme ça les messages sur la ségrégation et la discrimination, c'est plutôt intelligent. Ouais, il y a un passage très intelligent où justement il lui demande s'il y avait du café, sauf que il dit juste Miss Mimi coffee, et donc tout le monde pense qu'en fait il lui donne un ordre de lui servir un café, alors que lui il veut juste il lui demande si elle veut un café. Et du coup, c'est là où passe le message sur la discrimination, et c'est fait de manière plutôt intelligente. Il y a une scène à la station-service où on refuse de la servir aussi parce qu'elle n'est pas blanche. Voilà, il y a le fameux passage où il veut aller aux chiottes et il se dirige sans faire attention aux toilettes faites pour les personnes racisées. Ouais. Je crois qu'il y a un moment aussi où il veut aller dans un bar qui a l'air sympa, mais qui est réservé, qui est un bar pour personnes noires. Et où donc on lui dit d'aller dans les bars pour les blancs, oui, de pas se compromettre là-dedans. Oui. Donc ça c'est pas mal. Et il y a les choix beaucoup plus douteux. Où oui, peut-être le fait qu'on ait lu le roman a joué un peu, mais il n'y a pas que ça, parce que tu parlais des problèmes d'ellipse, de trucs passés trop rapidement. Bah toute sa vie à Jodie. Moi, j'ai pas ressenti d'attachement réel, même pas pour sa relation avec Sally, parce que ça passe à 200 à l'heure. Enfin, c'est ellipsé, en fait. À un moment, il y a une grosse ellipse d'un an où on voit pas tout ce qu'il fait au quotidien un jeudi. Donc, l'attachement pour Dickie, pour Miss Minnie et compagnie, moi, je l'ai pas tellement eu, tu vois. Bah, y a pas la pièce de théâtre, y a pas tout ça. On sait qu'il l'a fait, c'est évoqué, mais on le voit pas. Oui, mais il te le dit en mode « tu devrais ressentir des sentiments ». Bah non, tu me l'as pas montré. Bah oui, c'est donc là... C'est ça, le problème. Il y a Bill qui le suit, du coup. Ouais. Le problème, c'est que du coup, ça rajoute des scènes en plus qui ne sont pas dans le roman, mais que ça en supprime d'autres qui auraient justement amené du développement de personnage et de l'émotion. Bah ouais, du coup, ça éloigne un peu d'Oswald, parce que c'est Bill qui va le plus surveiller Oswald. Mais vu qu'on suit principalement Jake, voilà, on perd tout ça. C'est dommage, parce que comme je te le disais en off, pour moi il y avait un truc à tenter un peu à la fenêtre sur cour, avec effectivement des très longues heures à écouter des conversations plutôt chiantes, mais qui auraient entretenu le côté parano que peut avoir Jake, les doutes qu'il peut avoir, parce qu'effectivement quand tu écoutes des gens qui parlent pendant toute la journée, en plus une bonne partie du temps dans une langue que tu comprends pas, tu sais plus trop à quoi t'en tenir, et je trouve que ça aurait été à travailler ça avec un Jake isolé, ce qui aurait encore plus renforcé le contraste avec sa vie à Jodie, justement. Donc là, je me demande si c'était l'idée facile, mais je me demande si elle était bonne, de ramener Bill. Bah, pour moi, non, du coup, parce que ça supprime tellement de choses, et en fait, ça n'apporte pas grand-chose. Il lui développe une histoire d'amour avec Marina qui sort vraiment de nulle part, vu qu'on ne le voit jamais interagir avec elle. Oui. Ça aussi, c'est sa sœur. À la limite, ça, tu peux te dire, c'est un jeune, c'est sa première histoire d'amour, il est un peu chien fou. Oui, mais bon. Puis c'est comme le passage. Amoureux de la belle fille en détresse qui est là, quoi. C'est comme le passage où Jake retourne du coup dans l'appartement et se rend compte qu'en fait, Bill est à une fête avec eux. Et tu dis, d'où sa sœur ? Ouais, ouais. Comment ça ? Et puis lui, plutôt que de se dire je vais la jouer calme, je vais l'engueuler quand il va revenir, non, il va péter un scandale là-haut, mais t'es complètement con. Et puis surtout, il y a un moment, il fallait se débarrasser de Bill, c'est évident qu'il est con ce gamin. C'est ça. Là, en plus, non mais cet épisode-là, les personnages sont cons comme des balais, cet épisode-là. Parce que t'as quand même Oswald qui se rend compte que du coup il y a un micro chez lui, donc il est véritablement espionné, et tout le monde agit en mode non, t'es parano. Il a trouvé un micro dans une lampe. Oui. Et puis. L'accusez pas d'être parano. ça aurait dû vraiment changer des choses, pour le coup. Ça aurait été peut-être à traiter, c'est vrai que ça change des choses dans le futur et que donc c'est imprévisible maintenant. Bah oui, qu'il fasse du coup deux fois plus attention à ce genre de choses. Mmh. Alors que bah, c'est pris par-dessus la jambe. Sa mère est beaucoup plus douce dans la série. Oui. À la limite, pourquoi pas ça ? Pourquoi pas ? Parce que vraiment, elle ne sert pas à grand-chose dans le... Bah, elle sert à justifier dans le roman, elle sert à justifier le caractère d'Oswald, et a priori, elle aurait été un peu comme ça, vraiment, oui. la mère d'Oli. Oui. Mais effectivement, dans la série, pourquoi pas l'adoucir un peu. Mm. Vraiment, c'est dommage, parce que je trouve qu'il joue très bien, celui qui joue Oswald. Ouais. Il fait un très très bon Lee Harvey Oswald. Il est... tout du long, il fait le mec un peu malsain, même quand il essaie de s'intégrer, même quand il essaie d'être aimable... Il l'est pas. Ouais. C'est... Et du coup, je trouve qu'on a un peu de compassion pour lui et pour l'isolement dans lequel il se retrouve par moment, parce que même quand il veut bien faire, il nous est antipathique. Ouais. Parce qu'il dégage un truc qui marche pas, on sent qu'il est pas super net. Donc avec lui, il y a des trucs qui marchent bien. Et pour le coup, il y a une scène que je trouve très bien trouvée dans le moment de l'amnésie de Jake. De Jake. Où il retourne dans son ancien appartement et où ils vont demander des choses aux voisins et le voisin qu'ils vont voir, c'est Harvey Oswald. Là, je trouve que la scène marche niveau ouais. tension. Cette scène, elle est très bien. C'était une bonne idée. Mais voilà, sinon, bah, j'ai pas ressenti... En fait, aucune des deux ambiances centrales, l'ambiance thriller parano et l'ambiance romance, il n'y en a aucune des deux qui, pour moi, a marché. Bah oui, voilà, c'est ça le problème aussi. Parce que bah, aucune des deux n'est assez assumée. Peut-être que la réalisation est un problème aussi. Hein. Finalement, comme on l'a dit, c'est quand même pas mal plan-plan. Ah oui, c'est très plat. Donc, Peut-être fallu des trucs plus prononcés autour de ça. Hein. C'est très plat, c'est très mou, finalement. Et ouais, c'est vraiment gros problème de rythme. Tu sais, y a des moments où tu ne sais pas trop où la série veut aller. Ouais. À un moment, dans un épisode, il y a un truc complètement con, c'est dans l'épisode 3. Alors bon, déjà, quand il apprend à Bill qu'il vient du futur et compagnie, Bill, il le prend remarquablement bien. Hein. Moi, à mon avis, il me faut quelques minutes pour intégrer. Mais bon, admettons. Et il y a cette idée que pour déchiffrer les conversations en russe qu'ils enregistrent, ils vont utiliser un dictionnaire de russe. Oui. Alors, prenez une langue que vous ne connaissez pas, dans un alphabet que vous ne connaissez pas, écoutez une conversation prise avec des micros tout pourraves et essayez de retrouver le moindre mot que vous entendez dans un dictionnaire, même le plus complet. Je vous souhaite bonne chance pour faire une phrase cohérente. Hein. Parce que non, ça marche pas en fait. C'est un dictionnaire, c'est si tu parles un peu la langue ou que tu l'as à l'écrit à la limite pour retrouver des trucs. Ou au moins que les lettres soient les mêmes dans ta langue et que du coup les sons soient à peu près équivalents. Ben, le truc, c'est que même ça marche pas, parce que les lettres, il y a plein de langues qui utilisent l'alphabet occidental, et où pourtant ça se prononce complètement différemment. Oui, il y a aussi ça. Ne serait-ce que tu prends l'anglais, c'est notre alphabet, mais il n'y a quasiment aucune syllabe commune entre la manière dont on l'écrit nous, et la manière dont ils l'écrivent eux, et la manière dont ça se prononce. Donc en fait, si tu parles pas une langue, retrouver des trucs à partir d'un oral, de phrases entières à l'oral... Ou des fois, quand les gens parlent rapidement, en fait, si tu parles pas la langue, tu sais même pas exactement où s'arrête un mot ou commence le suivant. Ouais. En vrai, c'est pas possible. Donc ça, c'est un truc qui m'a fait un peu tiquer. Il y a plein de moments, en vrai, où les personnages ont des réactions un peu étranges, bizarres, voire bêtes, tout simplement. On peut parler dans les trucs adaptés... Quoique non, on va peut-être le garder pour plus tard, tout ce qui entoure Sadie et son mari, du coup. Ouais, mais par contre, on peut dire que la confrontation est très bien. Ouais, la confrontation a une certaine intensité avec le mari. Je trouve qu'il lui manque des trucs, mais c'est un des moments réussis. Réussi, donc du coup, l'épisode réalisé par James Franco. Ouais. C'est juste dommage que du coup, encore une fois, il y a Bill. Et du coup, bah, la confrontation est entrecoupée de moments où Bill fait de l'espionnage et où ça n'amène pas grand-chose. Il y a quelques moments un peu rigolos, qui m'ont un peu fait rire, notamment quand Miss Mimi débarque dans sa planque à Dallas... et qu'ils doivent expliquer ce qu'ils foutent là. Et en gros, ils lui racontent le parrain. Ah oui. D'accord. Oui. Donc ça, c'est un peu rigolo. Il y a deux, trois trucs comme ça. Dans tous les passages, on l'a dit, il y a des moments où ça va très vite, où les relations des personnages sont pas évoquées. Et bah du coup, pendant la phase d'amnésie, à ce moment où ils vont à l'hôpital psychiatrique, où Jack s'est débarrassé de Bill en le faisant interner, c'est vraiment une manière très simpliste de se débarrasser d'un personnage, quand même. Oui. Mais bon, bref. Et là, Sadie agit avec Bill comme si elle le connaissait depuis sa plus tendre enfance, alors que, bah, en fait, on les a jamais vus avoir la moindre interaction ensemble depuis le début de la série. Ouais, ça m'a marqué aussi. C'est mais comment ça? J'ai vraiment l'impression qu'il savait pas comment se débarrasser de Bill à la fin, qu'il savait pas quoi en faire, parce que le fait qu'il se suicide comme il le fait. Oui. Donc, du coup, il se suicide à ce moment-là, juste après. Alors parce que tu dis, il devrait avoir de l'importance dans le final. Tu peux tout est développé dans la série pour te montrer qu'il va devenir un antagoniste. Et au final, non. Au final, non. Ouais. Jack veut se débarrasser de lui, donc il le fait interner à l'hôpital psychiatrique, bon, en disant, à mon avis, on le voit pas, mais en disant au médecin, il pense que je viens du futur, il est fou, voilà. Ouais. C'est mon frère, occupez-vous de lui. Donc il se fait interner. Bill, quand il revoit Jack, bah, il semble avoir perdu la mémoire. Bon, ça peut être dû du coup au traitement, aux électrochocs qu'il prend. Ça, clairement, ça doit être dû à ça. On comprend qu'il se... Enfin, on comprend. C'est suggéré, il faut vraiment réfléchir un minimum pour essayer de le comprendre, qu'il se suicide parce qu'il veut pas se souvenir, en fait. Il veut pas ressombrer dans la folie qui l'a conduit là. Ouais. Et revivre les électrochocs et tout et tout. Ben voilà, et c'est pour ça que du coup il met fin à sa vie. Mais c'est une manière ultra simpliste de faire sortir un personnage d'une intrigue, quoi. C'est... Bah ouais, c'est... surtout quand vraiment dans l'écriture, j'ai l'impression qu'il devait y avoir des premières versions du scénario où il avait un rôle important à la fin et où pour des raisons de temps, peut-être, je sais pas, ils l'ont évacué. Ah, il y a des moments où tu te dis, mais en fait il va trahir et Jake et Oswald, il va se barrer avec Marina, ça va créer une troisième sous-intrigue. Et une autre timeline, ce qui aurait peut-être pu être une direction, enfin je sais pas. T'as l'impression vraiment, c'est limite en fait, King dit que non, il n'y aura pas de suite, mais c'est limite, des fois t'as l'impression en fait, il s'était gardé le personnage sous la main pour avoir une seconde saison au cas où, quoi. Ouais, peut-être. J'arrive pas à savoir quelles étaient les raisons de leur choix. Mais vraiment, ouais. Et c'est dommage parce que l'acteur, lui, n'est pas mauvais. Mais il ne sert strictement à rien du coup. C'est tu retires Bill de l'intrigue, bah en fait tout avance normalement. Tu le rajoutes, bah ça ramène un poids. Ouais, qui alourdit. Je suis vraiment pas fan de ce choix-là. Et bah, s'il avait eu une conclusion satisfaisante, j'aurais pu dire ok, c'est un choix d'adaptation qui se légitime, mais comme il n'y a pas cette conclusion satisfaisante, j'ai envie de tenir le reproche. Bah oui, voilà, moi aussi. Arrête de te conduire comme un connard. J'ai préféré le dire à côté du micro au cas où tu voudrais la écouter. Amène-toi. Oups. Ellie, je viens de casser ta lampe. Je suis désolé. Laissez-moi vous aider. Non, ça va aller. Je l'ai bousculé avec mon bras. Qu'est-ce que c'est ça? De quoi? Ça. Qu'est-ce que ça fait là? J'en sais rien. Que c'est? Vous savez ce que c'est? Parce que moi, oui. C'est un mouchard. C'est un foutu micro de surveillance. Attends, laisse-moi jeter un coup d'œil. Ouais, vas-y, regarde. Lee, t'as vu? Que se passe-t-il enfin? Maman, qu'est-ce que je t'avais dit, hein? Le FBI me suit partout. Non, c'est la vérité, ils me suivent. Ils écoutent toutes mes conversations. Ils me harcèlent, ils harcèlent ma femme. Personne ne harcèle qui que ce soit. Et qui te mettrait sur écoute? Qui? Mais les fédéraux, tiens. Lee, tu devrais te taire à présent. La nation de la liberté, la patrie des braves, tout ça, c'est qu'un tissu de conneries. Lee, là, tu te donnes au spectacle. Lee, ne t'en vas pas. Écoute-moi. Lee, fous-moi la paix. Lee, attends, Lee. Bill, il faut qu'on s'en aille. Non, je pense que je vais rester. Donner un petit coup de main. Bon moment d'adaptation pour le coup, il y a vers le début, je t'avais dit que cette scène je la trouvais bien pour te montrer le passé qui résiste quand il va à un restaurant où Maureen Shield est censé se trouver. Oui, Maureen Shield qui Al a déjà fait la même chose. Maureen Shield qui lui est par contre apparaît direct dans la série, c'est marrant ça. Et que Al avait fait la même chose, du coup, Jake a des informations sur les tentatives que va faire le passé pour le bloquer, et notamment il tient à garder son manteau parce qu'il sait qu'il va y avoir quelque chose qui va presque lui mettre le feu et qu'il doit l'éteindre avec son manteau à ce moment-là. Donc ça, je trouve ça intéressant. Ça fait très... Ça aurait été à exploiter plus, limite. Ça fait très destination finale. Oui, un peu. Ça fait un petit peu destination finale. Un peu, effectivement. Mais du coup, c'est dommage parce que ça le fait au premier épisode et puis au dernier. Ouais, ouais. Le passé n'intervient pas plus que ça et ensuite dans le reste de la série. Pour le coup, comme tu le disais, il y a d'autres interventions du passé que je trouve trop bourrines. Par contre, le fait que son appart brûle, enfin que sa pension brûle, la cabine téléphonique qui se fait défoncer par une voiture. Dans le roman, c'est too much. Dans le roman, l'appart qui brûle, c'est sous-entendu que c'est les bookmakers qui ont essayé de le retrouver et qui ont foutu le feu chez lui. Oui. Au début, la police dit « Oh, ça doit être une bande de jeunes qui a foutu la merde ». Mais ensuite, en réfléchissant, Jack pense plutôt vers la fin d'ailleurs que c'est les bookmakers qui ont fait ça. Oui, c'est... Bon, il le pense assez tôt quand même. Enfin, il s'en doute assez tôt sans en avoir de garantie. Oui. Parce qu'il savait qu'il était recherché par les bookmakers. Donc moi, je pense que ça aurait pu être un peu plus à exploiter cette dimension dans un jeu avec le passé autour des notes qu'Al a pu lui fournir sur les pièges qu'on va lui mettre, les nouveaux qui vont apparaître. Surtout que ça, il y aurait eu un truc un peu divertissant autour de ça. Bah oui, et puis en un plus, peu ludique. Ça amènerait quelque chose à un format série télé de 8 épisodes, le format un peu court, tassé, ça peut amener des moments de tension inattendus en fait, ce côté destination finale qui survient comme ça, d'on ne sait où. Ça, c'est intéressant. Mais oui, par contre, le coup de la cabine téléphonique, c'est un peu brutal, et d'un coup. D'autant plus quand la femme, au bord de la morte, sort à « Ah, vous n'avez pas rien à faire ici. » Oui. Ouais, ouais. Et là, tu dis « Non, mais c'est too much, les gars, là. Arrêtez. » Ça en fait beaucoup. Ça en fait des tonnes. Mais oui, en fait, mais ce qui est vraiment étrange, c'est que ce n'est pas réexploité avant la fin de la série. C'est bizarre, encore une fois. Ou alors ils avaient tourné des scènes, mais ils les ont tous supprimées. C'est bizarre. Il y a quelque chose d'étrange là-dedans. Clairement, l'effet papillon, il y a plusieurs moments où il s'embalèque. Ah oui. Bah, quand il veut appeler son père, quand il arrive au bar, il parle directement avec le père de Ming. Ça se passe pas à Derry, ça devient Holden dans la série. Oui, bah, c'est une Derry qui dit pas son nom. Voilà, j'imagine que c'est parce qu'il y avait les films ça voilà. en parallèle, qu'ils n'avaient pas, voilà, ils avaient pas les droits. Le nom. Mais quand tu vois pas amener de mélange. Quand tu vois l'ambiance qui est dépeinte, c'est Derry qui dit pas son nom. Voilà. C'est l'effet papillon, on nous prévient compte, mais finalement ça ressort pas non plus tellement dans l'intrigue. Non. Un truc qui m'a vite saoulé, c'est les flashbacks de Hal qui expliquent les règles. Ah oui, un petit bruit. Ça m'a très très vite gonflé ça. Dissimini tout le long de la série, ouais. Alors que dans l'épisode 1, il est plutôt bien géré, le Hal paniqué au bord de la mort, qui veut qu'il y aille tout de suite, qu'il lâche un peu dans le grand bain, beaucoup plus brutalement que dans le livre, ça c'était intéressant. Et après par contre, les flashbacks, moi c'était vraiment la technique d'écriture flemmarde, je trouve. Oui, parce que dans la série, Hal meurt de son cancer déjà, il se suicide pas, et il meurt avant même la toute première tentative de Jack. Enfin d'ailleurs que Jack ne fait qu'une seule tentative dans la série. Ça accélère, mais c'est vrai qu'il il a la confiance d'y aller sans faire un test. Parce que moi, je le fais aussi, le test, avant de tout de suite m'attaquer à Kennedy. Hein. Alors que dans le roman, il y va une première fois, il y retourne une seconde fois, et c'est avant la troisième fois que Hal met fin à ses jours. Ouais, c'est ça. Parce que le cancer le fait trop souffrir, en fait, et qu'il a vraiment confiance en sa théorie, et donc du coup, préfère mettre fin à ses jours et arrêter la souffrance. Mais et d'ailleurs, sa mort est plutôt bien amenée. On n'en a pas parlé, mais dans le roman Hal. Oui. Voilà. Oui. C'est une jolie scène, effectivement, où il explique qu'il en peut plus, quoi. Tout simplement. Mm. Mais donc, oui, trop de flashbacks. Pour le coup, les épisodes 7-8 reprennent un peu le fil du roman. Après, s'en est éloigné pendant le milieu, globalement. Oui. On retrouve le fil du roman sur à partir du moment où il se fait tabasser par les bookmakers. Ouais. Et là, il y a un des cas typiques où la réalisation, moi, me gêne, c'est la scène de rêve à l'hôpital qui ouvre l'épisode 7. Elle est lambda. Qui a aucune ambiance parce qu'elle n'est pas très bien réalisée. Quoi. Elle est lambda au possible. Mm. Donc c'est une scène de rêve où, en fait, le passé et le futur se mélangent. Il y a des moments où il voit une chambre d'hôpital moderne, et puis après, hop, il revient dans l'époque où il est actuellement. Ouais. Mais oui, c'est réalisé de manière normale. Donc, ça marche pas. Ça marche pas. Dans ces deux épisodes-là, il y a eu il y a un compte à rebours qui s'installe avec la précision 10 jours avant, 9 jours avant, etc. J'ai eu un peu l'impression d'être pris pour un con. Oui, trop susceptible. Non, mais tu sais, non, Je l'ai pas noté, mais je vois ce que tu veux dire. Parce que oui, bah, tu sais très bien ce qui se passe, en fait, t'as pas obligé de préciser. C'est le putain de titre de la série, quoi. Voilà. 10 jours avant l'assassinat, oui, mais tu sais très bien ce qui va se passer, t'as pas obligé de préciser avant l'assassinat, quoi. C'est... Puis je sais compter, quoi. La date, ça suffit, quoi. Je sais compter, je sais que... Du 15 au 22, voilà, il y a tant de jours. Là, il y a les scènes du point de vue d'Oswald aussi qui me semblent assez inutiles et qui me semblent rompre pour le coup le contrat. On est censé ne voir Oswald que quand Bill ou Jake, et déjà Bill c'était trop, le voit aussi. La scène où il va au FBI, là, ça ne sert à rien. Bah oui, et puis pour moi, là, pour le coup, ça rompt un contrat de la dramaturgie. Oui. Là, je trouve que c'est une erreur d'écriture assez flagrante. Ah, est-ce que là, du coup, le spectateur devient omniscient, on peut tout voir. Bah oui, c'est... Ça arrive, soit tu le fais tout de suite, soit tu le fais jamais, mais tu le fais pas comme ça au dernier moment, c'est bizarre. Il y a la petite séquence de la maison close, j'ai pas compris à quoi ça servait non plus. Où ils suivent The Morning Child. Ah oui, mais non, là, j'avais oublié. Je me suis dit, bah, mais pourquoi ? À quoi elle sert, cette scène ? Oui, non, pour montrer que Bill est coincé... Que Lee est coincé et qu'il a un problème avec sa sexualité parce que maman et compagnie. La scène ne sert à rien. Si on en vient à la fin, je relis mes notes progressivement. Dans l'épisode 8, je trouve que l'avancée vers le dépôt avec les problèmes en route, donc là qui reprend le roman, c'est plutôt réussi. Ouais, c'est plutôt réussi. Il y a une certaine intensité dramatique. Même si des fois, bon... pousse un peu les potards un peu trop loin, genre la bagnole rouge qui leur fonce littéralement dessus, tu dis oui. Bah non, là c'est pas le destin, là c'est juste il y a un fou au volant, quoi, envoyez-le en prison. La confrontation avec Lee, elle part un peu en action un peu too much, je trouve. Ouais. Pour le coup, le côté très brutal et très bref du roman fonctionne et montre bien que Lee, c'est un trou du cul lambda qui a eu la chance ou qui a pas eu de chance, ouais, comment on le voit. Enfin, qui a beaucoup profité du hasard, on va dire. Oui, voilà. Je trouvais ça intéressant. Un des rares beaux décors, c'est celui de la salle d'interrogatoire. Ah oui, exact. Voilà. Mm. Pour le coup, il y a une bonne lumière. Et après, là, pour le coup, la fin suit vraiment assez finalement le roman. Oui, il revient globalement. Il revient à notre époque, c'est tout dévasté. La fin, il y a... Il y a à boire et à manger. Il y a à boire et à manger, c'est... Pour le coup, bah, c'est probablement à cause de tout le reste, hein, que j'ai pas ressenti l'intensité que je devrais ressentir. Voilà, c'est ça. Mais en elle-même, c'est une jolie fin. L'épisode 8, il est plutôt réussi, en fait. Il y a deux épisodes vraiment réussis, c'est le 1 et le 8. Ouais, c'est ça. Il y a des bonnes choses vraiment dans le 5, celui de la confrontation avec... le mari. Et le 7, celui où il a perdu la mémoire et où il recherche. Je trouve qu'il a des bonnes idées quand même, cet épisode, malgré ses gros défauts. Mais voilà, c'est tout le milieu et long. Ouais, c'est ça en fait le problème, c'est que c'est, ça dure. Parce qu'en plus, on n'est pas face à des épisodes d'une quarantaine de minutes standard, on est face à des épisodes de 50 minutes, voire plus. Mm-hmm. Et il y a beaucoup de moments où tu le ressens en fait. Ouais. Ça, c'est une mode. Enfin, pour moi, c'est vraiment l'époque qui veut ça, les épisodes de série qui durent une heure alors que t'as rien à raconter, à arrêter. Moi, je suis pas objectif, tu sais bien que le format série. Oui. Pose un petit peu souci. Voilà, te pose souci, mais oui. Je trouve que c'est de plus en plus récurrent les épisodes d'une heure alors qu'il n'y a vraiment rien à raconter. Arrêtez, ouais. Arrêtez de faire ça, les gars. Mm. Sur la fin, il y a deux plans que j'ai notés parce que j'ai trouvé joli. C'est celui où il quitte le diner, où il est vu à travers la porte, il est vu de l'intérieur, ah oui. À travers la porte fermée. C'est une jolie manière de mettre fin à ça. Et le dernier plan avec les portes de la salle de danse qui se ferment, ça c'est très beau. Bah en fait, toute la séquence du bal, je la trouve jolie à la fin. Ouais, alors avec un poème. Ouais, quand ça dit le poème, là. Alors, je l'ai noté, le poème, je vais le relire parce que je le trouve vraiment beau. Mm. Nous n'avons pas choisi cette pièce ni cette musique, nous avons été invités à entrer. De ce fait, puisque les ténèbres nous encerclent, tournons nos visages vers la lumière, sachons endurer les difficultés et être reconnaissants de l'abondance. La douleur nous a été donnée afin que nous soyons éblouis par la joie. La vie nous a été donnée afin que nous conjurions la mort. Nous n'avons pas choisi cette pièce ni cette musique. Et puisque nous sommes là, autant danser. Et qui renvoie à l'importance du thème de la danse dans le roman. Oui, dans le roman, parce que du coup, dans la série, c'est pas vraiment montré. Et donc, qui a écrit ce poème, selon toi ? Bah écoute, je l'ai appris juste après avoir visionné la série, c'est King lui-même. Ouais. Je ne le savais pas. Donc, c'était une belle idée de lui faire écrire ça, pour ce pour le coup, il est très beau. Oui, clairement. Il y a juste un truc qu'on n'a pas dit, parce que série télé oblige, il faut quand même en parler au moins. Moi, je suis un grand amoureux des génériques de séries et je trouve le générique très réussi. Voilà. C'est pas juste un carton dégueulasse, oui, avec le titre. Ouais. C'est vraiment des petites maquettes avec des fils qui les relient façon tableau criminel comme on peut voir dans les polars. Je trouve qu'il y a une bonne idée, mais je sais pas, il est pas tout à fait abouti, je trouve. Moi, tout ce que je trouve, c'est la musique qui est très classique, qui aurait pu, ouais, être beaucoup mieux, en fait. Une musique plus intrigante aurait mieux servi la cause, mais visuellement, je le trouve réussi, en fait. Bah, et puis même, les fils rouges, c'est une idée un peu convenue, on aurait peut-être pu tester autre chose. J'aime bien l'idée du fil qui tire la balle de fusil, par, ouais, contre, hein, qui tire sur la gâchette, ça, c'est bien. Il est bien, mais il m'a pas marqué, tu vois, ouais, comparé à... Il y a plein de génériques très très soignés, et là... Je le place dans la moyenne, on va dire. D'accord, moi j'ai bien aimé, ouais. Je trouve le générique plutôt visuellement réussi. Mais donc voilà, bah, niveau jeu, c'est un peu inégal, comme on l'a dit. Ça évolue entre le très bien pour Lee et le beaucoup plus critiquable pour certains autres. Oui. Donc, c'est entre deux eaux. Comme toute la série, au final. Bah, c'est ça, en fait, c'est une série moyenne. C'est pas nul, hein, c'est moyen. Ouais. Mais pas du moyen tout le temps, c'est vraiment, il y a du très bon et du vraiment pas bien. Oui, voilà, c'est ça. Ce qui est intéressant, au moins, il y a des choses à dire. Mais voilà, je sais pas si je la conseillerais. Pourquoi pas. Bah, on en parlera quand on viendra sur notre classement. T'as des choses à ajouter, toi, sur la série ? Non, moi, je pense qu'on a fait le tour. Ok, alors on va en passer à une scène. Malcolm X, British politician, sex, JFK, blown away. What else do I have to say? Très bien, donc pour le comparatif de scène, nous en sommes au cœur du roman et de la série. Ouais, au plein milieu du roman même. Voilà. Jake a rencontré Sadie depuis quelque temps, ils sont déjà en couple, leur relation se passe bien. Il sait qu'elle a eu un premier mari avec, et qu'il y a eu une histoire compliquée avec lui, mais elle n'a jamais voulu lui en parler. Avec un balai. Jusqu'à présent. Il est au courant qu'il y a un balai dans l'histoire. Ouais, il sait qu'il y a un balai, mais il ne sait pas plus de choses que ça. Jusqu'à ce moment où, alors qu'ils sont dans un petit chalet... isolée pour être discret, elle décide de lui raconter. Et donc nous allons lire l'édition du livre de poche qui est traduite par Nadine Ghazi. Et nous en sommes à la page 491, le sous-chapitre 11 du chapitre 15. Lors de notre deuxième visite au bungalow Candlewood, Sadie s'est déclarée prête à me parler de Johnny Clayton. Mais éteins la lumière, veux-tu ? J'ai fait comme elle me le demandait. Elle a fumé 3 cigarettes tout en racontant. Elle a fini en pleurs, moins au souvenir de la souffrance endurée que du fait de sa terrible gêne. Je pense que pour une majorité d'entre nous, il est plus facile d'admettre avoir causé du tort à autrui que d'avoir été stupide. Non qu'elle l'eût été. Il y a un océan de différence entre stupidité et naïveté. Et à l'instar de la plupart des jeunes filles de bonne famille de la classe moyenne américaine qui atteignirent la maturité dans les années 40 et 50, Sadie était totalement ignorante, ou presque, des choses du sexe. Elle m'a confié qu'elle n'avait jamais vraiment regardé un pénis en face avant le mien. Elle avait entrevu celui de Johnny, mais les rares fois où il l'avait surprise à le faire, il lui avait brutalement saisi le visage d'une main de fer pour le lui détourner de force. « Il me faisait mal, » dit-elle. « Tu comprends ?» John Clayton venait d'une vieille famille fondamentaliste protestante, certainement pas des dégénérés. Ils étaient charmants, attentionnés et raisonnablement séduisants. Certes, ils n'avaient pas le sens de l'humour, le plus développé qui soit, il n'en avait quasiment aucun, pour être plus exact. Mais il semblait adorer Sadie, et les parents de Sadie l'adoraient. Clairdon Hill, tout particulièrement, était folle de lui. Et, pour parfaire le tout, il était plus grand qu'elle, même en talons hauts, après des années passées à être l'échalasse de service dans les plaisanteries de groupe. La chose avait son importance. Le seul fait troublant, avant notre mariage, c'était son besoin compulsif d'ordre et de propreté, m'expliqua Sadie. Tous ses livres étaient rangés par ordre alphabétique, et il se mettait très en colère si quelqu'un les dérangeait. Qu'on en retire un seul d'une étagère, et il devenait nerveux. Je le sentais, sa tension était palpable. Il se rasait 3 fois par jour, se lavait tout le temps les mains. Si quelqu'un lui serrait la main, il s'excusait dès qu'il le pouvait pour filer se les laver aux toilettes. Il coordonnait la couleur de ses vêtements, lui dis-je, aussi bien sur lui que dans l'armoire, et malheur à toi si tu les dérangeais. Avait-il réorganisé les provisions par ordre alphabétique, ou bien lui arrivait-il de se lever la nuit pour vérifier que les brûleurs de la gazinière étaient bien éteints et les portes bien cadenassées ? Elle se tourna vers moi, les yeux blancs d'étonnement dans l'obscurité, le lit émit un grincement amical, une rafale de vent souffla, un carreau branlant trépida. Comment peux-tu savoir ça ? C'est un syndrome, trouble obsessionnel compulsif, TOC en abrégé. Howard, j'ai failli dire Howard Hughes en souffre, mais peut-être n'était-ce pas encore vrai ? Et même si c'était vrai, les gens l'ignoraient sans doute. Un vieil ami à moi en souffrait, Howard Temple. Peu importe. A-t-il été violent avec toi, Sadie ? Non, pas vraiment, il ne m'a jamais frappé, il m'a giflé une fois, c'est tout. Mais on peut infliger de la violence par d'autres moyens, tu sais. Oui, je sais. Je ne pouvais en parler à personne, surtout pas à ma mère. Tu sais ce qu'elle m'a dit le jour de mon mariage ? Que si je disais la moitié d'une prière avant et l'autre moitié pendant, tout se passerait bien. Pendant, c'est le plus près qu'elle pouvait s'approcher du mot « rapport ». J'ai essayé d'en parler à mon amie Ruthie, mais une fois seulement. C'était après les cours, elle m'aidait à ranger la bibliothèque. Elle m'a sorti « Ce qui se passe derrière la porte de la chambre à coucher ne me concerne pas ». Alors je ne lui ai rien dit, parce que, à la vérité, je n'avais pas tellement envie d'en parler. J'avais trop honte. Et là, c'est sorti d'un coup. Une partie de ces mots était brouillée par les larmes, mais j'ai capté l'essentiel. Certains soirs, une fois ou deux par semaine peut-être, il lui disait qu'il avait besoin de la sortir. Il était au lit, couché, l'un à côté de l'autre. Elle en chemise de nuit, il avait exigé qu'elle n'emporte que des opaques. Lui en caleçon court. C'était le plus nu qu'elle l'ait jamais vu. Il abaissait le drap jusqu'à sa taille et elle voyait son érection, le tendre comme une toile de tente. Une fois, il a baissé les yeux vers sa petite tente. Je ne me souviens que de cette fois-là. Et tu sais ce qu'il a dit ? Non. Est-ce qu'on peut être dégoûtant ? Ensuite, il me disait « Vas-y, fais-moi ça en vitesse, que je puisse dormir un peu. » Elle glissait alors la main sous le drap pour le masturber. Ça ne prenait jamais très longtemps, parfois quelques secondes à peine. Quelques rares fois, il lui avait touché la poitrine pendant qu'elle remplissait cette fonction. Mais la plupart du temps, il gardait les mains jointes en haut du buste. Quand c'était terminé, il allait se laver à la salle de bain et revenait vêtu d'un pyjama. Il en possédait 7, tous bleus. Puis, c'était son tour à elle d'aller se laver les mains. Il exigeait qu'elle y passe au moins 3 minutes et qu'elle utilise de l'eau si chaude que ça lui rougissait la main. Quand elle revenait se coucher, elle lui tendait ses paumes à renifler. Si l'odeur du savon Lifebuoy n'était pas assez forte pour le convaincre, elle devait retourner se laver. Et quand je revenais, il avait mis le balai. Il le posait au-dessus du drap en été, au-dessous des couvertures en hiver, pile au centre du lit, pour les séparer, lui d'un côté, elle de l'autre. Si je remuais pendant la nuit et le déplaçais par inadvertance, il se réveillait, même s'il dormait à poing fermé. Et là, il me repoussait de mon côté, brutalement. Il appelait ça « transgresser le balai ». La fois où il l'avait giflé, c'était parce qu'elle avait osé demander comment ils allaient avoir des enfants s'il ne l'allumait jamais dedans. Il était furieux, c'est pour ça qu'il m'a giflé. Il s'en est excusé plus tard, mais sur le moment, tu sais ce qu'il a dit ? Tu crois peut-être que je vais la mettre dans ton trou de femme plein de microbes pour avoir des enfants dans ce monde immonde ? Tout ça va exploser de toute façon. Il suffit de lire le journal pour le voir venir. Et les radiations vont tous nous tuer. Nous allons mourir avec des plaies sur tout le corps et en crachant nos poumons. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Bon Dieu, Sadie, je comprends que tu l'aies quitté. Après 4 ans de gâchés, il m'a fallu tout ce temps pour me convaincre que je méritais mieux dans la vie que de classer les chaussettes de mon mari par couleur dans le tiroir, le branler 2 fois par semaine et dormir avec un manche à balai. Merde ! C'est ça le plus humiliant. Et je savais que je pourrais jamais en parler à personne parce que c'était carrément désopilant. Moi, je ne trouvais pas ça désopilant. Très bien, et maintenant, la même scène dans la série. Ça arrive dans l'épisode 4. Oui, ça arrive assez tôt. Oui, ouais, c'est le relatif. Non, proportionnellement, c'est à peu près pareil. Non, Jack, pas maintenant. Sadie. Non, s'il te plaît, c'est pas le moment, laisse-moi. Attends. Qu'est-ce qu'il y a ? Parle-moi. Johnny ne veut pas divorcer. D'accord. Je croyais que les choses seraient différentes ici, mais il m'a retrouvée. Et il n'a aucune intention de lâcher. Comment il t'a retrouvée ? Ma mère lui a dit où j'étais. Pourquoi es-tu si mal ? Tu te rappelles ? Quand tu as dit qu'on avait tous des secrets qu'on voulait garder. Oui, mais tu sais que tu peux tout partager c'est avec moi. C'est trop dur à raconter. Raconte-moi. Je te promets que ça va aller. Fais-moi confiance. Ça va s'arranger. Quand Quand j'ai fait sa connaissance, j'ai cru que Johnny était l'homme le plus adorable du monde. Nous n'étions pas très proches, d'un point de vue physique. Mais je me disais qu'il était peut-être vieux jeu. Au cours de notre nuit de noces, il était très tendu. Il a refusé de m'embrasser. Il a juste demandé que je ferme les yeux. J'ai obéi. Et ensuite, il a posé ma main sur lui. Et j'ai poussé un hurlement. Pourquoi ? J'ai senti qu'il avait une pince à linge. Quoi ? Je savais pas quoi dire, alors j'ai éclaté de rire. Il s'est énervé et il m'a frappée, alors je me suis mise à pleurer et il a recommencé. Ensuite, il a mis sa main sur ma bouche et il s'est couché sur moi. Quand il a eu fini, il m'a dit « Va laver ton trou moisi. Tu es sale. » Pourquoi tu l'as pas quitté ? J'ai essayé d'en parler à ma mère, mais elle a dit « Le devoir d'une épouse est de s'occuper de son mari. » Alors c'est ce que j'ai fait. J'aurais jamais dû t'en parler. Tu me trouves répugnante, non ? Quoi ? Non. Non. Sadie. J'ai tout lâché. Non. Sadie, arrête. Je lâche toujours tout. Très bien, donc deux scènes qui sont un peu différentes, pour le coup. Assez différentes. Je te laisse commencer, peut-être. Déjà très différente dans le traitement. En fait, je trouve ça beaucoup plus intéressante, la version roman, parce que ce n'est pas de la violence physique, en fait, c'est de la violence psychologique. Et en fait, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est justement que je pense vraiment que le King, d'il y a plusieurs dizaines d'années, aurait fait une histoire très violente, qui aurait du coup impliqué plutôt de la violence conjugale, voire du viol, comme c'est le cas dans la série télé. Alors que le King d'aujourd'hui s'est beaucoup plus apaisé sur ce genre de choses et justement tend plus vers la violence vraiment psychologique qui elle aussi est tout aussi marquante, voire des fois elle peut l'être beaucoup plus. Oui. Bon, sauf là en l'occurrence, un viol c'est quand même le haut du panier quoi. Mais j'ai trouvé ça intéressant que justement il opte pour cette position alors que l'autre, la violence beaucoup plus physique, et au final, très classique. Ça sort des carcans habituels, le choix qu'il a pris pour le roman. Oui, je suis assez d'accord. Un truc qui m'a un peu gêné dans la série, déjà, de base, c'est que la scène se passe sur un parking. Oui. Quand elle lui révèle. Et je sais pas, je trouve que là, pour le coup, sans reprendre à l'identique le roman, forcément, mais un peu d'intimité me semble... Pour une telle révélation, ça me semble normal, en fait. Oui, bah oui. Pour la faire. Donc niveau contexte, il y a déjà un truc qui empêche un peu l'ambiance. Oui, parce que faire une révélation alors que tout le monde peut t'entendre aux alentours, c'est très bizarre. Surtout que là, c'est un thème un peu présent, que c'est les petites villes, les gens ont beau être sympathiques, voir une femme divorcée, on sait pas trop, en plus qui fricote avec un nouvel homme, faut se tenir un peu discret. C'est pour ça qu'ils vont dans des bungalows dans le roman d'ailleurs. Oui, sur conseil du proviseur. Oui. Dans la série aussi, mais sauf que... Le proviseur et de Miss Mimi, les deux. Oui, et alors que dans la balle, le problème, encore une fois, c'est que ça manque de scène et de contexte, et que du coup, bah, dans la série, tu les vois pas trop être en relation avec le proviseur et Miss Mimi. Ouais. Donc, d'ailleurs, proviseur et Miss Mimi qui, dans le roman, sont en relation ouverte, alors que dans la série, bah, t'en sais pas plus que ça. Oui, on peut supposer quand même. On peut supposer, mais c'est pas clair. Ouais, c'est moins clair. En partie peut-être parce que Miss Mimi, en plus, dans la série, est noire. Oui. Ce qui leur donne, un côté vu l'époque, encore plus de raisons de ne pas en parler. Oui. Donc, ouais, la scène du... Le choix d'adaptation est discutable. C'est vrai que ça rend ça plus rentre-dedans. Ouais. Je suis moins fan. Donc, je trouve ça un peu dommage avoir gardé un truc un peu plus subtil. Après, c'est peut-être pour rendre l'ex-mari vraiment méchant, Oui. Tu vois, le... il surjoue d'ailleurs, le... Oui. Je trouve, lui. Rendre bah, sa mort, entre guillemets, méritée, on va dire. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. C'est peut-être dû, c'est peut-être pour ça, finalement. Mais bon, d'ouverture de jeu, il la blesse quand même gravement. Donc, oui. Il y avait ça qui était suffisamment marquant. Surtout qu'attends, dans la série, c'est Jack ? Non, c'est elle qui lui tire dessus. Donc oui, effectivement, il y a la symbolique de la vengeance et tout, alors que dans le roman, il se suicide. C'est lui qui se tranche la gorge. Ouais, c'est ça. Dans la série, ben, on peut enchaîner sur la... On a hésité entre deux scènes, en fait. Ouais, voilà. On peut enchaîner sur la confrontation en elle-même. Pour raconter comment elle se passe dans le roman, le jour de la tentative d'assassinat sur le général Walker, Jake reçoit un appel qui est du... De l'ex-mari. De Clayton. Johnny Clayton. Qui lui dit qu'il est chez Sadie, qu'il a intérêt à venir vite fait, sinon il va la tuer, et voilà. Il la blesse en effet au téléphone pour faire comprendre directement qu'il est sérieux, il lui cisaille la joue gravement. Et donc Johnny s'y rend, dans le roman il prévient Dickie, et ils montent un plan ensemble, ce qui fait que pendant que Jake passe par derrière pour entrer discrètement, Dickie fait comme s'il arrivait par hasard, pour déconcentrer le mari. Oui, genre il vient avec de la bouffe, genre hey, voilà. On fait une soirée ensemble, ça va. Ils arrivent à le désarmer sans trop de problèmes, sauf qu'il reprend son couteau et il se tranche la gorge. Et Sally est gravement blessée à la joue, ce qui ça est gardé dans l'adaptation, où là pour le coup il ne prévient personne, Jake, il y va, et c'est une confrontation entre les trois qui se règle par. Qui se règle au revolver. Assis autour d'une table. C'est très civilisé. Oui. C'est très civilisé. C'est très courtois, c'est très urbain. mais par contre, après, l'ensemble de la scène est plutôt réussi. Hein, oui, oui, oui. La confrontation elle-même est pas mal filmée. Il y a des images qui marchent plutôt, donc ça, c'est plutôt pas mal. Série, à mon avis, diffusée à des heures de grande écoute, oblige la violence de la blessure faite à Sadie est vraiment amoindrie dans la série. Oui. Dans le roman, elle est vraiment littéralement défigurée. Alors que bon. Ce qui est un thème qui est présent pendant toute la suite. Oui, qui après est clairement là dans tout le reste du roman. Dans la série, bon, elle a une cicatrice certes voyante, mais voilà, ça n'entache pas réellement sa beauté finalement. Oui. Ce qui est peut-être un peu dommage, mais ça a été fait pour raison de classe, c'est d'avoir supprimé ben, justement tout ce qui est autour de la peur du nucléaire, qui est, a priori, ce qui fait vraiment vriller Johnny, normalement. Oui. C'est l'incident de Cuba, l'incident des missiles. Quand il envoie des photos d'Hiroshima à Sadie, un peu avant dans le roman. Ouais. Avec les effets de la bombe. Ça montre à quel degré de folie il en est. Ça fait passer quelque chose bah, sur le monde de l'époque, où effectivement, je pense que les gens qui étaient déjà pas sain psychologiquement, ce type d'ambiance, ça pouvait vraiment, vraiment faire briller ça. Effectivement, ça manque dans la série où le personnage fait beaucoup plus ce psychopathe lambda, mais bon, pour une question de temps, ok, je comprends que ce choix-là, il l'ait fait. Oui, c'est compréhensible. Sinon, la scène dans la série, c'est juste dommage qu'elle soit entrecoupée de moments sur Bill. C'est le montage alterné systématique dans la série... qui est un truc pour garder l'attention du spectateur, parce que ça permet de changer régulièrement ce qui se passe et compagnie. Là, je trouve ça vraiment problématique sur ce genre de moment. Déjà, de base, c'est problématique parce que ça sous-entend quand même que le spectateur est con. et voilà. Ça, voilà, pourquoi pas. Hein, tu sais bien que c'est un peu le cas dans la manière de penser, hein, sur. Oui, ouais. Sur les grosses prônes. Et après, fatalement, il y a des gens qui ont moins de concentration que d'autres. Bon, ça, malheureusement. C'est la vie qui veut ça, après. Oui, mais je pense en fait aussi, ils partent peut-être un peu dans les séries du principe qu'il y a pas mal de gens qui les regarderont pas. Oui, qui zappent d'une série à l'autre. Qui le font d'un œil plus distrait. Oui, qui font autre chose en même temps. Commercialement, je veux bien comprendre, mais bon, c'est vrai que du coup, ça donne bizarre, je trouve ça. Ça empêche des fois, c'est un vrai piège. Ouais. Et là c'est clairement, c'en est un, ouais. Clairement. Le roman est en arrêt par Jake. C'est vrai que ça apporte quand même quelque chose d'avoir... un point de vue, un unique point de vue. Oui. Ce que King ne fait pas si souvent que ça, parce que c'est vrai qu'on a quand même régulièrement parlé d'œuvres de King où il aime bien multiplier les points de vue. Oui. Là, il s'en tient à un, et je trouve que ça amène une intensité à tout. et un manque d'informations sur tout ce qui entoure le lit, que la série perd un peu pour le coup. Bon. Et d'ailleurs, dans le roman, ce que tu lis, c'est un roman. Oui, parce que Jake l'écrit voilà. Consciemment, il l'évoque plusieurs fois. Ouais. Le personnage te le dit, c'est clairement ce qu'on est en train de lire, c'est ses mémoires. Ouais. C'est ce qu'il vit depuis qu'il est rentré dans le terrier. Qu'il écrit d'ailleurs la fois où il retourne dans le terrier, où il hésite à agir, c'est à ce moment-là qu'il écrit tous ses carnets. Du coup, j'espère qu'un jour, King va écrire un roman qui s'appelle Ville Assassine. Ce serait drôle. Voilà. Puisque le personnage écrit un autre roman inspiré fortement par Derry. Là, il est déjà assez chargé, King, en ce moment. Il y a le recueil de nouvelles oui. qui sort en début d'année, et a priori, un gros roman où il y aurait Oli, mais pas que. Alors, du coup, c'est bizarre parce que dans le roman. Alors, c'est peut-être la traduction. Mais dans le roman, c'est Ville Assassine, et dans la série, c'est Halloween Town. Là, non, je pense que c'est deux titres différents et qu'il y a eu le choix de changer. Je sais pas pourquoi, mais... Ça ne veut absolument rien dire, Halloween Town. Bah, peut-être parce que c'est Halloween qu'il a démarqué. Oui, enfin bon. Moi, ça me fait... c'est vrai que du coup, ça fait étrange de Monsieur Jack. Bah voilà, c'est ça. C'est à ça que ça me fait penser. Mais bon. Donc voilà pour la comparaison de cette scène-là, donc une série moins subtile mais pas non plus ratée sur ce moment. Non, clairement pas, c'est une série moyenne. Voilà. Et je propose qu'on en place un autre classement. Allons-y. D'habitude, nous allons commencer par le classement des écrits. C'est moi qui vais m'y coller, alors que le classement des adaptations sera fait par Issam. Pour les écrits, nous en avons actuellement 47. Nous mélangeons, pour rappel, les romans et les nouvelles. Les 5 premiers étant Sac d'os, Cimetière, Ça, Charlie et La part des ténèbres, alors que les 5 derniers sont Le radeau, L'année du loup-garou, Dr. Sleep, Le cinquième quart et Grand chauffeur. Comme dit au tout début de cet épisode, pour moi, 22-11-63, bouleverse clairement le top 10, et je pense même qu'il bouleverse le top 5 en vrai. Ouais. Et pour moi, il y a hésitation entre soit 4e place à la place de Charlie, ou... 5e place à la place de la part des ténèbres, parce que j'aime quand même beaucoup Charlie, aussi comme roman. C'est rigolo, parce que j'aurais eu la même hésitation. J'aime beaucoup Charlie, parce que j'aime beaucoup, du coup, les personnages dépeints dans Charlie, la relation entre le père et la gamine, également comment il s'appelait le grand méchant. Pas le grand méchant. Rainwater. Voilà, c'est ça. Ouais. J'aime beaucoup son traitement. Bref, c'est un roman que vraiment j'aime beaucoup. Je crois je pense que Charlie elle-même, c'est un des meilleurs persos de King. Ouais, clairement. Excellente. Et en fait, c'est ça. Mais en termes d'émotion, je pense que j'ai ressenti quand même plus de choses en lisant 22-11-63. Donc, si on pouvait mettre égalité, je mettrais à égalité. Mais du coup, on peut pas. Donc, il faut trancher. Je mettrais peut-être derrière, parce qu'il y a quand même des trucs qui me touchent, moi, dans Charlie. Dans Charlie, ouais, quand même. Hein. Il y a des trucs très mignons. Il y a toute cette partie centrale qui est très réussie aussi dans Charlie. Ouais. Ils sont dans le centre. Moi, ça me va. Écoute, là, pour le coup, je c'est vraiment... Je m'irais, mais je mettrais en 5e. Bah, mettons-le en 5e. Pour le coup, c'est deux romans que j'aime beaucoup, donc il n'y a aucun souci. Mais voilà, 22-11-63 qui bouleverse le top... C'était pas forcément attendu, mais voilà, c'est un roman qui mérite sa place, sa 5e position. Donc, après Sac d'os, Cimetière, Ça et Charlie. Voilà. Ah, du coup, il fait sortir les Langoliers du top 10. Il fait sortir les Langoliers du top 10 et La part des ténèbres du top 5. Voilà. Très bien. Pour l'adaptation, nous avons beaucoup plus de choses. Nous en avons 64, puisque c'est une par épisode. Et puis que là... Effectivement, il y a énormément de choses. Ouais, et que la qualité est plus variable, on va peut-être dire. Là, aux 5 premières places, nous avons Carrie de Brian De Palma, Chambre 1408 de Michael Avstrom, No Smoking d'Anurag Kashyap, Dead Zone de David Cronenberg et Misery de Rob Reiner. Et je m'étais toujours dit, mais ça veut dire qu'il n'y en a aucun en commun entre le top 5 livre et le top 5 adaptation. C'est vrai. Voilà. Et le flop 5 est constitué de The Mangler 2 de Michael Hamilton Wright, The Mist de Christian Thorpe, Les Enfants de Salem de Larry Cohen, The Mangler Reborn d'Eric Garner et Matt Cunningham, et Doctor Sleep de Mike Flanagan. Bon, on va quand même remonter. Et donc, du coup, par contre, dans les flops, c'est intéressant de le signaler, il y a en commun Doctor Sleep, qui est dans le flop livre aussi, qui n'est pas en dernière place, mais qui est dans le top, dans le flop. Et donc, bon, on va remonter. On va remonter quand même pas mal. Pour cela, je vois passer en 48e place Sagdos, et c'est clairement mieux que Sagdos. Oui. On arrive à... Quand on arrive à la 40e place et tout, ça devient déjà plus la zone qui va nous intéresser, à mon avis. Alors, c'est quoi? Parce que moi, j'ai pas le numéro sous les yeux. Pardon, c'est le Carrie de David Carson, Salem de Michael Salomon, ouais. 1922 de Zach Ilditch. Ça, 1 et 2 d'Andy Muschietti. Et je me demande si on n'est pas un peu dans une situation à la ça de Andy Muschietti. C'était un truc long, avec des bonnes idées, mais des défauts. Mauvaises idées. Pour moi, ça se vaut. Hein. Pour moi, ça se vaut, mais... Ouais, mais ça est mieux réalisé. Ouais, c'est ça. Il y a quand même... quand il fait de l'horreur, Muschietti, ça marche pas du tout, c'est hystérique. Et Gripsou est... fait descendre le truc, Gripsou de machin. Mais tous les moments d'émotion, de drame sont très réussis. Hein. Ouais, il a une très belle photo pour le coup. C'est encore plus belle que... Enfin, elle est sympa, celle de 22-11, mais pour moi... Pour moi, juste en dessous de ça, en fait. Mais au-dessus de 22-11. De 1922. Ouais, c'est rigolo, oui, ça fait les deux dates. Oui, du coup, oui. Mais ouais, du coup, ça ferait la nouvelle 38e place entre ça de Andy Muschietti et 1922 de Zach Ilditch. Ouais, pour moi, ça me va. Très bien, donc on est sur du milieu de classement. Donc, oui, comme on l'avait dit, c'est ni catastrophique, ni grandiose. Et vraiment, je pense pour le coup que certaines choses, comment dire, prennent... Il y a des défauts qui sont amplifiés à cause de la lecture du roman. Oui, probablement. Mais bon, comme on l'a dit, comme il a du mal à s'isoler en tant qu'autre chose qu'une adaptation, c'est dur de ne pas lui reprocher. Mais c'est pas, disons que c'est pas une série où je dirais aux gens non, il ne faut absolument pas la regarder. Oui, oui, clairement, oui. De toute façon, là, on est dans une zone où je dis pas aux gens qu'il faut le fuir, hein, c'est qu'il faut descendre plus bas pour que je leur dise ça. Là, on est même sur une série où quelqu'un qui me dit il a aimé la série, je peux comprendre. Ouais. Voilà. Eh bien, très bien, c'était un épisode qui sera un peu long, je ne sais pas exactement combien de temps, mais à mon avis, on a bien parlé sur celui-là. Bah regarde, c'est déjà dimanche, là, donc... Ah zut, on devait aller au cinéma. Nous, on se retrouve dans 2 semaines pour parler des Vampires de Salem, l'adaptation de Salem par Tobe Hooper. Ouais. Et voilà, ce sera à cette occasion qu'on fera le prochain tirage au sort. C'est bien ça. En attendant, vous pouvez nous retrouver... sur les réseaux sociaux, @cinémaarchiviste pour toi, @christ-du-bas, Lost Tales pour moi. Ouais, sur j'ai Twitter. J'ai mis dans ma bio Twitter, j'ai fait un Linktree pour tous mes trucs, parce que du coup, vu que Twitter est en train de couler, je vais un peu partout, donc n'hésitez pas à me suivre. Oui, maintenant tu es également sur Blue Sky, Mastodon, pas encore ? Oui, si, sur Mastodon. Voilà, sur Mastodon, t'es Blue Sky. Plus à Blue Sky. Mais... Moi, je vais pas tarder à faire le saut aussi. Hein. Ouais. Voilà, je deviens un influenceur majeur, je suis partout. Il y a un Discord sur lequel vous pouvez nous retrouver qui sera en lien dans le descriptif de l'émission. N'hésitez pas à partager parce que ça nous aiderait vraiment beaucoup. Et puis maintenant, tu es un peu plus actif avec moi sur la chaîne Twitch, sur laquelle j'étais avec Florian alias Gensuga avant. Et donc on fait du Sherlock Holmes pour le moment. Après, il y a d'autres projets un peu rigolos à voir. Je vais voir si je fais des trucs en solo aussi, en indépendant. Bah oui, quand même. Hein. Je vais être adulte. Mais voilà, donc pas mal de projets. Et n'hésitez pas à nous suivre, à nous en parler. Ça nous ferait toujours plaisir. Voilà.